avant de se quitter, on s'écoute le jeu du bottin de Jérém. Jérém qui arrive aussi dans quelques minutes à peine avec évidemment Marco, Frisco, Tiffany, Aurélie de la Rédac. Bref, ils seront tous là pour vous réveiller et vous mettre de bonne humeur ce matin. Nous, on se retrouve demain dès 4h. Excellente journée à notre écoute. Le 6-9. 6h-9h. 6h-9h. Sur Énergie. Le jeu du bottin. Jeu du bottin. Jeu du bottin. Ta, ta, ta, ta, ta. Avec Jérém. Avec Jérém. Avec Jérém. Chaque semaine, c'est le mardi à 7h35, c'est le rendez-vous, le jeu du bottin. Jérém prend son bottin, prend son téléphone et il essaye d'appeler des monsieur madame un peu improbables. Un peu improbable, comme tu le dis. Un peu improbable. Est-ce que vous pensez, vous savez que je suis maniaque, j'ai été voir à la lettre N comme nettoyer. Est-ce que vous pensez que j'ai eu monsieur ou madame nettoie? Si, moyen, moyen. Non. Ah bah écoute. Non. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est bien monsieur Nettoie? Non. Ah, et votre femme, son nom de famille, c'est? Brosse. Ah oui, non, c'est pas la même chose que Nettoie. Ah non, c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'elle brosse? Et vous, qu'est-ce que vous brossez? De temps en temps, les cours, hein, avant, je brossais les cours. Elle aussi, de temps en temps, elle brosse les cours, hein. Et ses dents, elle brosse ses dents? Ouais, aussi, ouais. Et ses cheveux? Et ses cheveux? Ouais, elle brosse pas ses cheveux. J'ai eu peur parce que court avec un autre mot, ça a failli bifurquer. Si bon, est-ce que vous pensez que j'ai eu madame mal? Mal? Mal, oui. Comme mal aïe? Mal aïe, ouais, ça fait mal quoi. Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, vous êtes mal? Oui. Ah, et dites-moi, qu'est-ce que vous avez? J'ai mal aux pieds. Oui. À la jambe, ça va? À la jambe, ça va. Et la tête, pas trop mal? Non. Les bras? Non. Les épaules? Non. Ventre? Non plus. L'arrière-train? Non plus. Les genoux? Non. Les orteils? Les orteils, monsieur Abar m'en a coupé un. Ah, on vous a coupé un pied, un orteil? J'avais un orteil en griffe. Vous n'avez pas trop mal? Bah si, parfois ça me fait fort mal. Mais comme disait Christophe Maé, ça fait mal de vivre sans toi. Oui. Elle a mal. Oui, c'est madame mal. Vous foutez de moi, là? Non. Non, de Christophe Maé, j'adore. C'est génial parce que la dame m'a dit qu'elle avait mal au pied, alors je vais rien demander. Et qu'elle a un orteil greffé. C'est magique, elle a raconté sa vie, c'est mignon. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Allez! Un petit bonus. Ouais, allez, vas-y. Oui. En plus, il est court. Est-ce que vous pensez que madame Q existe? Madame Q? Oui. Non, quand même pas. Non. Ouais, je dis non. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez madame Q? Non, vous faites erreur, monsieur. Excusez-moi, c'est qui à l'appareil? C'est madame Fillon. Oh, c'est la même chose. Ah, Fillon ou cul, c'est... Bon. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles.

feelings hurt me to the core. Still healing, and I know you're no good for me. So I try to forget the memories, 'cause baby it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark, you left your mark, reminding me to forget. You left your mark, you left your mark, reminding me to forget. Le Folder Gourmet de Cora. Découvrez des milliers d'idées délicieuses pour des fêtes délicieusement pas chères. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Énergie. Bonjour. Mercredi 12 décembre, 6h02, on est là comme chaque jour, évidemment, même la journée des enfants, ouais. Elle est là. Bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien ce matin. On va démarrer cette journée ensemble avec la Kids Line tout à l'heure, ça va être chouette, ça, 7h35. On vous rappelle tous les mercredis, on a des petits enfants avec nous. Oh oui. Il suffit d'avoir moins de 12 ans et vous allez pouvoir nous appeler, on va parler de choses très sympathiques avec vous. On va se faire un petit quiz de Noël dans un instant. Oh, terrible. On est dans la période, surtout ici. Ils nous ont mis la déco en veux-tu, en voilà. Si on n'aime pas Noël, on est foutu ici. Hein. Ils ont mis une forêt de Noël, mon pote. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on va faire d'être les infos café du mercredi aussi. Enfin, voilà, plein de bonnes choses ce matin avec vous et toute l'équipe qui est là. Il y a mon Frisco, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Ça va bien ce matin? Oh, un peu fatigué, hein. On est mercredi. Oh, ça pique, hein, le mercredi, c'est quelque ouais, chose. Ouais, mais c'était pour une bonne raison, parce qu'hier, on est venu voir Orelsan dans les studios, là, pour la live session énergie. C'était terrible. C'était très sympa. Il y a Tiffany aussi qui est là ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va? Bah écoute, plein de soucis depuis ce matin. La porte du garage qui ne s'ouvre pas, donc je reste bloquée 5 minutes dans le parking. En attendant, ouais, la porte. Attends, j'arrête Calvin Harris parce que je suis encore parti pour 5 minutes. Ah, ouais. Non, mais voilà, la porte du parking ne s'est pas ouverte, donc je suis restée 5 minutes dans le parking à stresser toute ma vie. En me disant, si la porte automatique ne s'ouvre pas, je suis bloquée. Tu n'as pas dit le mot magique. Sésame, ouvre-toi. Mais évidemment, mais moi j'aurais fait ça en premier, quoi. Eh ben oui, bah du coup j'ai testé et bim, ça a fonctionné. C'est bien connu, il faut parler aux portes de garage. Clairement, t'imagines. Si seulement ça pouvait fonctionner comme ça, parce que sinon elle fonctionne pas comme ça. Hein. T'es obligé de sortir de ta voiture le matin, c'est affreux. Il y a deux portes en plus. Ouais. Si seulement tu pouvais faire Sésame, vas-y, ouvre-toi maintenant. Des fois j'ai envie de me garer sur le côté et attendre que vous arriviez, tu vois, un par un. Bah, comme tu ça. Le fais déjà, Frisco. Non, bah non, j'arrive le premier. Ah oui, maintenant, mais avant, ouais. Tu te mettais sur le côté quand on suivait. Ça, on sent que tu lui as fait une fois, elle s'en souviendra toute sa vie. Mais clairement, quoi. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Bonjour. Mickey, bonjour Marco. Ça va bien? Oui, très bien. Eh ben, formidable. Il y a Aurélie de la Rédac aussi qui est là. Bonjour. La météo pour aujourd'hui, ça donne quoi? Ah ben, temps sec aujourd'hui avec des nuages et des éclaircies, des températures entre 1 et 6 degrés. Attention, ça caille ce matin, il faut gratter le pare-brise par endroit. Oui, eh ben, encouragez-vous, grattez, gratte. T'as rien à gagner. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. I said I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promise. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. 6h06 sur Énergie, bonne matinée avec nous. Alice on the Roof, dans un petit instant, ça va arriver. Alice on the Roof avec son nouveau hit. Elle sera avec nous, tiens, d'ailleurs, vendredi prochain pour l'émission ouais, en public. Trop bien. Ça va être bien. Oh, ça va être chouette avec Alice. En plus, ça a l'air d'être une fofolle. Hein. Ouais, pas une fofolle, une fifou, quoi. Ouais. Elle a ouais. l'air un peu fifou dans sa tête, donc c'est bien, on va bien s'entendre. Alice on the Roof avec son nouveau hit. Ce nouveau hit d'Alice on the Roof. Elle nous rend en live évidemment. T'as quitté la planète. On va écouter ça dans un petit instant. Et là nous allons parler de Noël. Merci. Petite ambiance Noël. Ah j'aime bien moi. Walking around Christmas tree. C'est pas la chanson dans le film. C'est dans Maman j'ai raté l'avion, ça ah, je crois. Bien. Ouais ouais, c'est quand il danse avec les mannequins comme ça là, quand il fait que il fait semblant qu'il y a un adulte dans la douche. Qu'il y a... Ouais non, il fait semblant que même la maison elle est remplie d'adultes. Je sais pas si vous vous souvenez, il met des mannequins sur des tourne-disques, il est comme ça avec des ficelles et il les fait danser. Je me rappelle plus. Sérieux ? Ouais, je te jure. Et c'est derrière les rideaux et les cambrioleurs ils repassent et du coup ils pensent qu'il y a tout le monde. Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais. Mais bien sûr, c'est un classique. En plus ça fait genre 5-10 ans que j'ai pas vu ce film. Excusez-moi. Vous souvenez du nom au moins des cambrioleurs. Ah non, les casseurs flotteurs. Yeah. Ouais. Vous vous souvenez même de ça? Mais oui. Ah, les casseurs flotteurs, c'est comme le groupe d'Orelsan. Comme le groupe d'Orelsan, c'est d'accord, vrai. Ça vient de là en fait. Et en fait, oui. Casseurs flotteurs, pourquoi? Parce qu'ils ouvrent les robinets quand ils vont chez les gens, une fois qu'ils se barrent. Le truc à ne pas faire. Alors déjà, ne pas cambrioler. Alors, oui. Bon, si vous cambriolez chez les gens, à la limite, n'allumez pas vos robinets, s'il vous plaît. Clairement. On parle de Noël parce que bah, peut-être comme vous, certainement, vous avez un calendrier de l'Avent. Nous, on remercie encore hein, vraiment, c'était Kelly qui nous a offert ce beau chocolat de l'Avent. Et du coup, chaque jour, on ouvre une fenêtre. On est quel jour? Oui, on est le 12. Le 12, Rory. Qui a bouffé le 12? Quoi? Quoi? Il n'y a plus de 12? Mec, on en est déjà bientôt au 24, c'est quoi cette blague? Et en plus, le saloupio, il a remis la fenêtre, genre ni vu ni connu, je t'embrouille. Je soupçonne Frisco. Mais vous me soupçonnez toujours. Le gars, il a fermé la fenêtre proprement, c'est genre on y voit que du feu, il t'ouvre et il n'y a plus rien dedans. Quoi. Fallait pas le mettre à côté de mon bureau. Oh, tu rigoles. Mais non, mais vous m'aviez dit que c'était pas votre truc le chocolat. T'es alors déjà au mois de janvier, toi. J'avais un petit creux et voilà. Et le pire, c'est que le 13, il est déjà ouvert. Il ne plaisait pas le 13. À vous. Ouais. Ah, mais non. Attends, je veux juste voir. Non, le 14, non, après je me suis arrêté au 14. Oui, ça va, je vois que tu t'es vraiment arrêté au 14. En fait, il a pris les meilleurs, quoi. Quel salopard, quoi. Bon, eh ben, les gars, on va passer au 13, hein. Que ça nous porte pas malheur ton histoire, je te le dis direct. Hein. On joue pour le 13. Le 13, et c'est un petit quiz, vous donnez votre prénom pour donner la réponse, et c'est un petit quiz en rapport avec Noël. Ouais, Frisco, il joue pas, il a pas le droit. De toute façon, je l'aime pas, alors si je l'ai laissé là, c'est que je l'aime pas, je vais le donner à quelqu'un, mais je veux gagner. Attention, voici la première question. Complétez les paroles suivantes. Mon beau sapin. Frisco, vas-y. Roi des forêts. Perdu, c'était pas ça que j'allais te demander. Ah, que j'aime ta lumière. Non. Que j'aime ta verdure. Eh ben, perdu quand même, tiens. Bim, le mec. Eh ben non, c'était que j'aime. Alors, c'était mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta verdure. Aurélie. Ouais, mais... Verdure. Oh. Le point est pour nobody. Deuxième question. Et on ne va pas trop vite pour répondre. D'accord, promis. Quel... Pormi. Pormi. C'est comme promis, pormi, mais pormi, à 6h10. T'as un nouveau site internet ou quoi? Oh. Quel sapin est-il judicieux de choisir pour qu'il ne perde pas ses aiguilles? Jérém. Le Norman. Le Norman. Tiffany. Un épicéa. L'épicéa. Okay. Bonne réponse, ouais, c'est l'épicéa. Bah, c'est le Norman qui ne perd pas. Mais non, moi j'allais dire le... Faux. Le sapin en plastique. Ouais. Ah, quel sapin est-il? Bon, un point chacun. Ouais, vous n'allez pas me... Mais moi j'ai l'impression qu'on vend tout le temps Norman, genre tu verras, il perd pas ses épines et tout. Non, c'est l'épicéa, apparemment. C'est Norman. C'est normal qu'on vote. C'était nul. Non, mais elle mérite pas 5 euros. Qui fut l'interprète de la chanson mythique Petit? Aurélie. Tino Rossi. Tino Rossi, bonne réponse. C'était Petit Papa Noël. C'est de mon Tino époque, Rossi. Hein, tu sais. Ah, mais oui, c'est ça. C'est le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est ça? D'accord. Attention, on vous rappelle qu'on joue pour manger le chocolat de notre quatrième calendrier de l'Avent. Pour l'instant, c'est Aurélie qui va le manger. Quatrième question, il en reste deux. Qui est l'ancêtre du Père Noël? Jérém. Jésus. Tiffany. Saint-Nicolas. Mais oui, Saint-Nicolas. Nous avons un ex-écho entre les filles ce matin. Quoi, Saint-Nicolas, c'est le... Ouais. Tu vas dire que le Père Noël, c'est le petit fillot de Saint-Nicolas. Ouais. Et quand ils se croisent, ouais, Saint-Nicolas, il fait mon petit fillot. Et tu sais que Saint-Nicolas, à la base, il vient de Turquie. Ah oui. Mais oui, il est né là-bas. Donc le Saint-Nicolas, c'est le grand-père de Père Noël. Il ne l'a jamais parlé, en plus, il vient de Turquie. Mais ouais. Et c'est donc vrai. Il mange des kebabs et tout. Mais ouais. C'est génial. C'est génial, cette vie. Est-ce que Frisco, tu ne serais pas Saint-Nicolas? Évidemment. Parce que le mec, on a mangé kebab lundi, kebab mardi, quoi. Est-ce que tu étais obligé de le dire à la radio? Voilà, alors, on y va. Vous avez mangé kebab hier? Mais non, arrête, je parle pas. Vous avez mangé kebab? Mais non, on t'expliquera plus tard. Allez, Corelsan. Attention, possible, les filles. Cela. Vous êtes à ex-écho total. Celle qui a la bonne réponse. Je suis dégoûté. Mange le chocolat. Ah, donc nous, on est hors jeu. Ouais, bah oui, vous êtes hors compète, les gars. Ah, c'est les filles qui s'affrontent. C'est les filles, c'est la dernière question. Vous êtes ex-écho, les filles. Voici la question. Les cadeaux de Noël symbolisent les présents apportés au Christ par les rois mages. Melchior, Gaspard. Et Tiffany. Non, c'est pas Tiffany. Et Tiffany, je t'écoute. Balthazar. Bonne réponse. Bon. Hey, tiens, mange le chocolat. Et elle est contente. De toute façon, Frisco, il a dit que c'était pas bon, alors je te le laisse. Ouais. C'est le chocolat à la liqueur. J'espère que c'est le chocolat à la liqueur. Alors, ouais, la c'est un. C'est un tentation avec une nougatine. Arabica coffee de ganache. Ah, très bien, j'ai plus de café. Pourquoi t'as dit que c'était pas bon? Parce qu'il y a du nougat, il aime pas le nougat. J'aime pas le nougat. Allez, mais c'est pas grave, hein, les goûts et les couleurs. Hein. Il faut tout dans la nature. Voilà, hein. Exactement, monsieur. Eh bien, bon appétit. Fais-toi plaisir, Tiffany. Ouais, en plus, il est gros. Il est gros. Elle aime les grosses choses. Merci Alice on the Roof sur Energy, 6h13. Bienvenue. Cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as quitté. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète. Alice on the Roof qui sera notre invitée vendredi prochain, le 21 décembre, pour l'émission publique. Notre dernière émission de la saison, d'ailleurs, avant les vacances. Voilà, après c'est fini, on remballe. Ouais. Pendant 15 jours. Il faut un peu qu'on repose notre corps aussi, mon patin. Surtout notre esprit. Tout est à reposer, je vous le dis. On sera donc en congé, vous l'avez compris, pendant les vacances. Mais avant ça, on va bien faire la fête. Et le 21 décembre, on sera en public avec Alice on the Roof. Alors, ouais, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aller vous inscrire. Energie.be, il y a plein de dates, hein, ce qui est encore même après le 21 décembre. Ouais. C'est tous les derniers vendredis du mois. Voilà, cette idée est tellement géniale qu'on nous a copié. Mais en tout cas, l'originalité est ici sur Energie. Tous les derniers vendredis du mois, on fait une petite fiesta. Voilà, avec vous. Et vous pouvez aller vous inscrire. Energie.be. Je vous le disais, pour le 21, on commence à être un peu ric-rac au niveau place. On a même d'ailleurs bougé. On va la faire dans le grand studio, puisqu'on va être une petite centaine. Donc ça va être génial. Ça va être une grosse émission. Inscrivez-vous avec un peu de chance. Il y a des désistements pour y venir. Sinon, c'est pas grave. Hein, il y en aura d'autres en janvier, en février. Inscrivez-vous et venez nous voir. Ça fera très, très plaisir. Dans un petit instant, c'est de Prince Karma. J'aime bien cette chanson. C'est celle-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Des petits plaisirs qu'on a le soir quand on rentre à la maison. Et enlever tes chaussures, mettre les doigts de pied en éventail dans le canapé. J'ai un petit top 10, on va voir si vous êtes dedans dans quelques minutes. C'est le 6-9. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur energie.be. La playlist énergie inspirée par vous. Marion. Hein? Marion. Nicolas. Je t'aime. Écoute, je t'ai toujours aimé, je suis dingue de toi. Pourquoi tu me dis ça? Écoute, mais si, mais tu te souviens, tu m'avais dit qu'on pourrait aller boire un verre, alors je me suis dit que peut-être... Attends, c'était il y a 12 ans, Nicolas, je suis mariée, là, j'ai une vie, j'ai une fille. C'est trop tard, quoi. Eh oui, les opportunités, mieux vaut les saisir à temps. Et chez votre distributeur Ford, le bon moment, c'est maintenant. Profitez sans tarder de ces conditions salon exceptionnelles. Ford. Groupe. Conditions sur Ford.be. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté d'acheter tous vos cadeaux à la Fnac. Alors ça c'est pour Sophie, et tout cela, c'est des cadeaux de moi à moi. Pour les fêtes, découvrez à la Fnac plein d'idées cadeaux pour vos proches et pour vous-même. Fnac, libérez votre curiosité. À la fois architecte et conducteur de travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Yves. Yves va partout. Entrepreneur en bâtiment, il est tout terrain avec son nouveau Citroën Berlingo Van équipé du grip control et de ses trois places à l'avant. Nouveau Citroën Berlingo Van. Comme vous, il sait tout faire. Élu International Van of the Year 2019, disponible en deux longueurs à partir de 129€ par mois et 50% sur toutes ses options. Citroën. Offre réservée aux professionnels. Conditions sur business.citroën.be. Ce dimanche, IKEA, Onyul, Mons et Anderlecht sont ouverts de 10 à 18h. Profitez-en pour acheter votre sapin de Noël à un prix avantageux. Plus d'infos sur IKEA.be. Bienvenue à bord. Grâce aux Dream Deals de KLM, réservez votre vol aller-retour à partir de 339€ vers Dubaï, Pékin, Johannesburg ou d'autres destinations au départ de la Belgique. Réservez avant le 27 décembre sur KLM.be. Tarifs soumis à condition. Dans un petit instant, on va papoter avec vous des petits plaisirs qu'on a le soir quand on rentre à la maison. Tu sais, une fois après une bonne journée de travail, on se détend. Et ben, venez en parler avec nous, 3018 par SMS, le 0800 23456, c'est le numéro de téléphone, c'est gratuit. On parle de ça juste après de Prince Karma. Et avant ça, c'est un point sur les routes aussi, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 411 à hauteur de Hinche en direction du Luxembourg. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont bloquées. Soyez prudents. Et puis des ralentissements sur le 411 entre Stockhem et... non, pas Sterpenich et Arlon. Vous perdez 12 minutes. Fais des variantes, toi, maintenant. Ouais, c'est ça. Bah ouais, il faut bien changer une fois que t'as quand même. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my, so you let me in? later, Tez. Avec nous, c'est le nombril de la semaine. Gili, gili, gili. Oh ah, moi, je oui. m'attendais pas ça. Vous faites jamais ça, je... Le nombril, c'est l'usine à coton. Moi, je sais pas chez vous, mais. Ah, ouais, moi aussi. Ah, si. Fin de journée, mon pote, j'ai de quoi faire un pull. Ouais, mais clairement. Pareil. J'ai l'impression que c'est typiquement masculin, ce truc-là. C'est ah parce qu'on a des poils, les filles. Oui, non, mais alors, c'est ça. Ça frotte ça sur le mais moi, j'ai un nombril horizontal. J'ai eu peur, c'est rond. J'ai cru que t'allais nous dire, moi, j'ai un nombril poilu aussi. Et puis, j'ai pas. Horizontal. Oui, c'est la fente, elle est comme ça, horizontale. Ah, ah nous, c'est un... oui, nous, c'est rond. C'est une piscine, vous. Aurélie ouais, Darida, ouais. qui est un spécimen à part. Non, non, Camille a aussi la fente horizontale. On part de nombril. Hein. Évidemment. Jason Derulo, on écoute ça dans un petit instant sur Énergie. Et toi, Tiffany, tout va bien, le nombril? Oh bah ouais, horizontal, rond. Je sais pas, je le regarde pas souvent, donc... Oh, vu la tête, il est carré, toi, je dirais. C'est comme le reste. Oh, oh, rigole. Dis. Allons parler des petits plaisirs que nous avons quand nous rentrons chez nous le soir. Après une bonne journée de travail. C'est vrai, il y a des petits plaisirs qui valent de l'or, qui n'ont pas de prix en fait. Ouais. Comme par exemple, pour vous les filles, enfin moi je parle pour moi aussi, mais quand t'enlèves tes chaussures à la maison, ah là là, c'est ah la mec. Première étape. Ah ouais. Le bonheur. Le bonheur. Surtout vous les filles. Les moi, talons. Les talons, fait, j'allais y penser. Ceux qui mettent des talons toute la journée, mais vous êtes en souffrance permanente. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'en mets pas moi. Oui, on a remarqué, c'est vrai, vous n'en mettez pas beaucoup, ah, les filles. Non. Toi non plus. Ah non, non, non. Bah non, t'imagines te taper une journée de 12 heures avec des talons. Mais d'où tu fais du mais genre, j'en mettais, moi, avant. Mais ben non, mais même quand j'allais à l'école, je mettais des talons de temps en temps. Et ben, c'est pour ça que j'ai arrêté de me faire biche, quoi. Parce qu'à un moment donné. Ça sera le cas vendredi, elle a rendez-vous avec Nico. Donc ouais, vendredi, elle remet les talons, Tiffany. Non, je les ai remis hier et je peux te dire que non. C'est bon. Alors, quels sont vos petits plaisirs quand vous rentrez chez vous à la maison, Frisco? Moi, c'est d'aller regarder mon Facebook, etc. Mais dans un endroit assez particulier. Les toilettes. Ah oh, ouais. Oh, c'est trop bien. Tu t'es retenu toute la journée. Alors, t'as pas fait au boulot, toi? Si, mais ça me va tout très bien chez moi aussi. Non, et surtout, après, retirer mon calbar et mettre un short. C'est vrai. Que ce soit un peu, tu vois... Libéré, quoi. Libéré, délivré, tu vois. Ouais, ça c'est un... Eh bien, sache-le, tu n'es pas dans le top 10. Oh, bah non, écoute, c'est... moi, tant que c'est mon top à moi. Jérém, quel est ton petit plaisir du soir? Mais j'allais dire enlever mes chaussures, je sais pas si vous faites ça, mais je craque mes doigts de pied. Ah, oh, comment tu fais? Comment tu fais? Bah, je plie mes doigts de pied, c'est tout. Contre le sol, vous faites jamais ça. Mais non. En fait, le fait d'être resté toute la journée les pieds tendus comme ça, eh ben, quand t'enlèves tes chaussures, tu pousses sur tes doigts de pied et ça fait clac, clac. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu une entorse du pied. T'as été monté chez Ikea, toi, t'es en kit ou quoi? Sans rire. C'est ça quoi. Bah, dites-nous aussi quels sont vos petits plaisirs, Aurélie, tu vas nous le dire, je vais vous le donner aussi dans un petit instant. Vous aussi. Et on verra si on est dans le top 10, en fait, ça qui est drôle. C'est juste voir si vous êtes dans ce top 10 des petits plaisirs du soir. On en parle après. Jason Derulo sur Énergie. On vous offre 2000 euros de vacances maintenant encore les fifous, si vous voulez gagner ça, il suffit de vous inscrire maintenant. Vous envoyez vacances par SMS au 6018, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. À vous la plage ou la montagne. On voulait choisir la destination, partez avec qui vous voulez, c'est 2000 euros pour chez vous. Tentez votre chance puisqu'il y en a ce matin, il y en a encore demain et après-demain. On a 2000 euros tous les jours, voilà, comme ça vous savez tout. Bien. Donc inscrivez-vous vacances dès maintenant au 78 pour 1 euro le message envoyé et reçu. On parle des petits plaisirs qu'on a quand on rentre chez nous le soir. On vous dit tout dans un petit instant et les infos café du mercredi qui arrivent. I'm low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. You wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah. recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Krefel ou en quelques clics sur krefel.be/KDO. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. 6h32 sur Énergie. Dans un petit instant, on a les infos café pour vous. Avant ça, voici l'actu et la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura des nuages, mais aussi de très belles éclaircies. Côté température, un peu frais aujourd'hui, entre 1 et 6 degrés. L'actualité de ce mercredi 12 décembre. Pour nous informer, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus connus d'Europe. Hier soir, il a été pris pour cible par un homme armé. Une attaque considérée comme terroriste. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est d'ailleurs saisie de l'enquête. La fusillade a fait 3 morts et 12 blessés. 6 sont dans un état grave. Le tireur, qui a été blessé par des militaires, est toujours recherché. Il s'agit d'un jeune homme de 29 ans. Il était fiché S. Ça veut dire qu'il était surveillé par les services de la Sûreté de l'État. Le tireur devait être arrêté hier matin dans une affaire de droit commun. Suite à cette attaque, la France a relevé son niveau d'alerte. Il se trouve à son niveau maximal. Les contrôles seront donc renforcés aux frontières et dans les lieux plus sensibles, comme les marchés de Noël par exemple. Et puis aujourd'hui, le marché de Strasbourg sera fermé. Les drapeaux seront en berne et un registre de condoléances sera ouvert à la mairie de Strasbourg. Dans le reste de l'actualité, Charles Michel va poursuivre ses entretiens avec les chefs de groupe de la Chambre aujourd'hui. Il doit retrouver le CDH et des filles. Ces rencontres ont pour but de faire le point sur la situation politique suite au départ de la NVA du gouvernement. Et justement, à propos de la NVA, le parti se dit prêt à gouverner à nouveau avec le MR. Seule condition que le pays sorte du pacte de l'ONU sur les migrations, un pacte signé lundi par Charles Michel à Marrakech. C'est d'ailleurs ce texte qui a entraîné le divorce entre la NVA et le MR. On passe au sport en football. On a débuté la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions hier. Le PSG, Liverpool et Tottenham se sont qualifiés pour les 8e de finale. De leur côté, l'Inter et Naples sont reversés en Europa League. C'était déjà le cas pour le club de Bruges, qui a tenu tête à l'Atlético Madrid. Les deux équipes se sont quittées sur un nul blanc. Et puis ce soir, on a 8 matchs à suivre, parmi eux Real Madrid, CSKA Moscou, Manchester City, Hoffenheim, Valence, Manchester United et Ajax Amsterdam, Bayern Munich. Le 6-9 et les fifous, c'est tous les matins sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Il est 6h35 sur Énergie, c'est mercredi, toute l'équipe est là. Bonjour! Bonjour! Dans un petit instant, j'ai des infos café pour vous une bonne nouvelle pour toi, mon Frisco. Oh. Mais vraiment. C'est vrai? Ah ouais, on va parler des frites, notamment dans les fast-food. Ah ben j'ai hâte. On les a souvent mis au bagne, en prison, on voulait plus des frites. Bah, pas bien, pas gras, bon. Il y a peut-être un truc bien dans les frites. Oh, trop bien. Hein. Bien. Ouais. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Booty so sale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Cooper dans un petit instant, ça arrive après les infos café de ce mercredi. Ah ah ah. Allez sur les fils. On aurait dit du Claude François. Info café ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les frites au fast-food. J'ai peut-être une bonne nouvelle. Une étude scientifique a enfin inversé la tendance. Eh ben, tu sauras ça dans quelques instants. Oh, pourquoi? Avant ça, on fait du teasing. Oh là là, le mec. C'est comme si tu donnes un chocolat à un petit garçon qui fait non, non, non, tu l'auras pas, c'est pour papa. C'est un petit peu comme si nous mettait une frite devant la bouche. Mais je disais non. T'attends. Ok, mais de toute façon j'ai pas le choix donc voilà. Avant ça je voudrais vous parler de la série événement Friends. Tout le monde l'a vu. On s'en fout, je veux les frites. Bah, il faut savoir que Friends était dans le catalogue Netflix hein. Je sais pas si vous êtes sur Netflix les copains. Non, ouais. Ne me dis pas ça. Sachez-le, ça a été le gros buzz ces derniers temps. C'est qu'ils allaient l'enlever. Ils allaient retirer Friends de leur catalogue. Honte à vous Netflix. Ça a fait un scandale, tout le monde a dit jamais, faut pas faire ça. Du coup Netflix a déboursé une somme folle. Ils auraient signé un chèque de 100 millions de dollars pour empêcher que la série Friends s'envole de leur catalogue. Mais t'imagines... Bravo Netflix. T'imagines que les acteurs gagnent mieux leur vie aujourd'hui que quand ça clairement. A tourné quoi. C'est incroyable, 100 millions de dollars pour juste la série. Imaginez tout le reste des films et des trucs. Ouais, ça veut dire qu'à mon avis ils ont des stats, c'est que Friends est encore vachement regardé. Évidemment. Cartonne. Il n'y a pas de doute. Et je te dis, les gens criaient au scandale hein, quand on a dit qu'on allait enlever Friends. C'était un... Ouais mais moi je peux comprendre hein. C'est on touche série, pas quoi. À Friends. Ouais, voilà. Qui jouait à Sonic quand il était plus jeune? J'ai joué. On a tous joué à Sonic. Ouais, c'est au Game Boy. Sonic, ouais, Game Boy et Game Gear. La Sega, évidemment, Sonic, c'était là, Sega. Ouais. Eh bien, bonne nouvelle, les copains. Après Mario, Sonic va sortir au cinéma. Mais non. Ah, oh non. Oui. Enfin. Le petit écureuil qui va vite tout bleu. Oui, enfin, le petit écureuil, il est vachement bizarre, l'écureuil. Et c'est Nengolan qui va jouer. Non, c'est Usain Bolt. Et ouais, Sonic, alors il a été relifté, hein, forcément, pour être en phase avec l'époque d'aujourd'hui. Hein. Ils lui ont refait une petite tête toute neuve. Mais il devrait sortir sur nos écrans. Et alors, un truc de dingue, on parle de Jim Carrey. Non, pas pour interpréter Sonic, mais interpréter le plus l'ennemi toujours de Sonic. Ah oui, le monsieur avec qui est sur sa machine avec des lunettes bizarres là. Le docteur, il s'appelle comment? Docteur, je sais plus comment. Ah oui. Docteur Wu. Non. Oh, arrête purée. Il ressemble un peu au docteur qu'il y a dans Moi moche et méchant, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Docteur Robotnik. Oui. Robotnik, ouais. Du coup, Jim Carrey devrait interpréter Docteur Robotnik. Mais donc ça va être en film, c'est pas en dessin animé, quoi. En film. Enfin, alors après, ça va être un peu. Je pense qu'il y aura des images de synthèse dans cette histoire. Forcément, va faire un Sonic en normal, ça va être compliqué. Mais on a hâte de voir parce que c'est vrai que Jim Carrey est très loin de ressembler quand même à Docteur Robotnik. Donc terrible. Je me demande comment ils vont le faire. Oh, ça va être drôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, enfin, vous avez rêvé de ça, de prendre l'avion, mais tout seul, d'être tout seul dans l'avion? Oh, ah, non, je l'ai déjà fait moi. Bah moi, ouais, t'as moi déjà ça... fait. Oh, tu as déjà fait. Non, pardon, mec, tu prends un Boeing machin, Bruxelles Airlines ou Air France, j'en sais rien, et t'es tout seul dans l'avion. Ça me ferait flipper. Eh ben, c'est arrivé. Il y a une arnaque. C'est arrivé à une jeune américaine qui a vécu une expérience inoubliable. Ça, tu m'étonnes. Moi, j'aurais kiffé perso. T'as l'impression d'avoir un jet privé, mec. C'est de la classe. Et t'appelles tout le temps l'hôtesse de l'air. Parce que, genre, elle peut pas arriver après dire non. Désolé, j'étais occupé. C'est ça. T'as rien à faire, meuf. Donc, tu viens. En plus, ça, tu peux vider les stocks de tout le catering. Y a pas de souci. Et ouais, c'est arrivé. C'est incroyable. Mais c'était un avion qui pouvait transporter jusqu'à 160 personnes. Donc, c'était quand même un beau Boeing. Et elle s'est retrouvée toute seule dans l'avion. Terrible. Alors c'est pas un cas isolé, hein. Ça arrive. La pollution, c'est très rare, mais ça arrive. Ouais, c'est comme tu dis, la pollution c'est scandaleux. Faire décoller un Boeing pour une personne. Coucou. Ouais, en fait, il y a plus d'équipage que de passagers, ouais, clairement. Ouais, et non, mais c'est très, très, très, très rare. Mais c'est pas un cas isolé. Pareil, que c'est déjà arrivé. Donc, ah, c'est dingue. Moi, je croyais qu'ils annuleraient l'avion mais et ouais. tu montes dans l'avion le lendemain ou quoi. Perso, ah, oui. C'est ce que je ferais. Je dirais, voilà, ouais. Ça vous dérange pas de prendre dans deux heures. On vous offre même mais, le trajet. Mais non, c'est, madame, il y a un problème technique. Vous êtes sur le prochain vol et puis c'est tout. Mais ça leur coûte plus cher de faire décoller l'avion. Mais en clairement. Plus, oui, en mais plus, je suis sûr que dans l'avion, il y avait les cinq hôtesses qui faisaient les gestes de sortie de secours là. Elle dit, je me sentais comme une star parce qu'elle ne regardait que moi. Bon, en même temps, avec toi. Donc, mais, et il y avait toujours celle aussi dans le fond de l'avion qui les faisait, mais il n'y avait personne, tu vois. Il n'y en avait pas qu'une seule qui était devant. Elle devait s'ennuyer, celle-là. Ah ouais, mais moi, un truc pareil, je demande pour aller dans le cockpit. Hein. Je dis, monsieur, il n'y a personne, je peux venir avec vous? À fond. Attends, clairement. Tu vois le décollage et tout, ça va être un kiff total. Et on finit avec cette info incroyable. Si vous êtes amateur de frites, ah, enfin, oh, enfin. Facturé. Ouais, parce qu'on a fait semblant d'être patient, mais. C'est vrai, on a souvent dit que c'était trop salé, trop gras, bourré d'hydrocarbures. Bref, on ne saurait citer tous les articles et toutes les études scientifiques qui ont déclaré clairement que les frites de fast-food, c'était le mal absolu. El Diablo. Eh bien, ce qui n'est pas tout à fait, faux. Mais heureusement, il y a quand même une nouvelle étude scientifique qui nous donne un peu d'espoir en prêtant aux frites, en fait, une vertu. Même moi, je suis étonné, hein, je vous le dis. Alors, on parle d'un restaurant particulier. Je suis obligé de vous le dire parce que sinon, si vous allez dans un autre restaurant, ça ne va pas fonctionner. Big up à Quick, mais c'est pas vous, c'est McDo. Ce sont apparemment les frites du McDonald's qui ont une étrange vertu. Elles feraient pousser les cheveux et aiderait à guérir de la calvitie. C'est pas vrai, oui, mon papa il est chauffe et il va tout le temps manger chez McDo. Oh, pas sérieux. Bah, il sait pas qu'il me dit. Enfin, voilà, il a déjà mangé, pourtant ça pousse plus, hein, promis. Hein. Alors, c'est pas une bêtise, hein, c'est des chercheurs de l'université du Yokohama. Du Massachusetts. Et ils sont sponsorisés par McDo. En au, fait, Japon, c'est ça. Bah, au Japon, je sais même pas s'ils sont très McDo là-bas. Bah, si, c'est McDo, c'est dans le monde entier. Ouais, oui, c'est vrai. Et bref, en fait, il y a un truc, la dimétripolysie, machin, là, un truc chelou qui est dans les frites et qui apparemment aurait cette vertu de refaire pousser les cheveux. C'est incroyable. C'est ouf. Bien. Hein. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire. Écoute, les chauves, les frites. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai beaucoup de cheveux du coup en fait. Ouais. Ça pousse, non, ça. Ah bah c'est ça. Ah, attends. Hé, hey, pas folle la guêpe. J'espère pour toi que c'est pas héréditaire, hein, vu que ton papa c'est vrai qu'il a plus un poil sur le caillou. Non, arrête. Et puis j'espère que ça pousse que sur les cheveux. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. On ne sait même pas faire une photo pendant Lady Gaga, vieux. Oliver, c'est Snoop Dogg, ça va arriver dans un petit instant. Bah oui, une petite photo, on voulait vous mettre ça sur notre Insta, les fifous. Il faut nous rejoindre d'ailleurs, les fifous du 6-9 sur Énergie. Mais ouais, ça a mis 3 minutes, mec, pour faire une photo, elle était pas belle, quoi. C'est toujours quand tu fais un selfie en groupe, il y en a toujours un. Oh non. Toi, tu fermes les yeux. Oh, c'est pas mon beau profil. Alors, moi, j'adore dans cette époque, je vous jure, c'est magnifique. Hier, Orelsan qui était avec nous, il y en a beaucoup qui ont fait des photos avec Orelsan. Ouais. Et j'adore parce qu'il y en a, ils postent des photos où Orelsan, il regarde même pas. Il est là, il est tout dégueu, tu vois. Ouais. Et la personne qui est avec Orelsan, elle, par contre, elle est belle. Hein. T'as envie de dire, mais c'est quoi le concept? C'est que tu fais la photo avec l'artiste et que l'artiste soit dégueu et que toi, t'es jolie. Donc, bon, voilà, chacun son truc. Vive 2018. Dans un petit instant, on va écouter Holy Murs avec Snoop Dogg. J'adore ce titre. Une petite pépite qu'on va vous jouer. Et on continue de parler de nos petits plaisirs ce matin. C'est les petits plaisirs qu'on a quand on rentre à la maison. Enlever ses chaussures. Je pense aussi à un truc pour vous, les filles. Le soutif. Ah ouais. Non, ça, mais t'imagines même pas, tu te sens libéré, ouais. Quoi. Et toi, attends, est-ce que tu le fais directement en arrivant chez toi? Dès que j'arrive chez moi, j'enlève mes chaussures, je me mets en pyjama et j'enlève mon soutif et je mets un petit t-shirt, quoi, tranquille, et je m'assieds dans le fauteuil avec un film et un petit bol de cacao, quoi, comme dans les films. Hein. Oh là. Non, mais sérieux. Moi, je me mets en pyjama, en pantalon de pyjama, pour être tranquille. Et ouais, j'enlève mon. Le soutif, c'est la libération pour vous, les filles, clairement. C'est le petit plaisir de fin de journée. Alors, attends, est-ce qu'il est dedans, tiens, justement, le enlever le soutif? Il n'y est pas! Quoi? C'est pas vrai. Non. C'est sacrilège, hein. Il ne peut pas y avoir de. J'ai l'impression que je parle comme si j'en mettais, mais. Je devrais peut-être, vu la paire de loches que j'ai, papa. En tout cas, dites-nous les petits plaisirs que vous avez. 30-18 par SMS ou vous nous appelez 0800-234-56. C'est un numéro gratuit. Aurélie est choquée à mon regard. Je ne comprends pas comment ça se fait que ce n'est pas dans la liste. Ben oui, c'est il faut. Revoir cette liste immédiatement. C'est le petit plaisir. On en parle avec vous juste après. Holy Murs sur Énergie. À tout de suite. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison atteigne. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Hey, nouveau smartphone? Ouais mec, histoire de fou. Je suis rentré dans le magasin là et j'ai dit « Bonjour, je vous donne 10 euros pour ce smartphone de dingue. » Et le mec me regarde et il me dit « Ok. » Mais non. Je te jure. Alors je lui donne mon billet de 10. Et alors? Il m'a donné le smartphone. Et ça aussi. Ah c'est quoi? C'est 1 euro. En ce moment, avec les abonnements mobiles de Proximus, vous recevez un super smartphone à partir de 9 euros. À vous de choisir. Infos et conditions sur proximus.be. Aldi et ce que certains en pensent. Il y a encore des gens qui pensent un apéro avec des produits Aldi. Oh non, que diraient mes invités? Ah là là. Eh bien, chez Aldi, nous sommes sûrs qu'ils diraient c'est bon, parce que des cacahuètes au saucisson et du gin au tonic, nos amuse-bouches et boissons sont aussi bons que ceux des grandes marques. Des tests indépendants l'ont prouvé. Vous ne le croyez pas? Découvrez tous les résultats des tests sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, faites goûter vos invités. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Loulou. Oui. Tu peux me dire ce que tu as? Rien. Pourquoi t'arrêtes pas de chantonner alors? Non, c'est rien, je te dis. Je te crois pas. Tu sais qu'on n'a pas de secret l'un pour l'autre, d'accord? Ok, bon. C'est Mercedes-Benz. Quoi, Mercedes-Benz? Ils ont commencé leur condition salon. Oh, tu m'as fait peur. On y va? Chez Mercedes-Benz, profitez dès maintenant de nos conditions salon. Des prix exceptionnels sur les modèles Sport Edition et des primes de reprise super attractives. Rendez-vous sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Action soumise à condition. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Et alors ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Ah, ben des écouteurs sans fil Bluetooth. Des écouteurs Bluetooth. Ou une smartwatch avec tracker d'activité. Attends, une smart avec tracker de quoi? Oh non, un lisseur boucleur. Ça existe tout en un, ça, mais attends, comment je vais faire pour trouver tout ça, moi? Wow! Chez Vandenborg, vous trouverez toujours le cadeau de Noël parfait. Rendez-vous dans un de nos magasins ou sur vandenborg.be. Vandenborg, la confiance. Gagnez le cadeau de Noël de vos rêves sur vandenborg.be. C'était le soir de Noël, où la magie opère dans les chaudières. Tous étaient venus les bras chargés de chaudières. Mais à table, l'ambiance était devenue complètement chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments.

Sometimes. J'adore. Ah, j'ai feeling. On va écouter ça dans quelques minutes sur Énergie. Ça va arriver avant ça. Le petit top 10 quand même des petits plaisirs de fin de journée. Vous avez réagi SMS 3018 via les réseaux sociaux aussi. On va voir si vous êtes dans le top 10 ou pas. Je vous le dis. Comme ça, voilà, on verra si chacun est dedans ou pas. On va faire simple. Vas-y. Numéro 10, quand tu t'endors au début du trajet et que tu te réveilles pile à l'arrivée. Ça, c'est quand tu prends le train. Ou, c'est chouette aussi, ça. En voiture, c'est compliqué. Mais, mais c'est vrai que quand on déconseille de le faire. Oui, c'est, voilà. Vaut mieux pas. Ou alors si vous êtes copilote, quoi. Ouais. Quand tu mates une série dans ton lit, et que tu t'endors avant la fin du générique. Ça, c'est classique pour nous. Hein. Mais moi, c'est pas un kiff. Ça m'énerve parce que le lendemain, je dois re-regarder. J'ai oublié. C'est un peu chiant. Ouais, moi, moi, un film, il fait une semaine. Bon, comme ça, je quand tu te fais une petite tisane, ça, c'est pour les vieux. quand tu enfiles ton gros jogging bien douillé, c'est chouette aussi ça. Ouais. Ton pyjama en pilou, tu vois, ton. J'adore. D'ailleurs, on devrait faire l'émission en pyjama plus souvent, je vous le dis. C'est trop bien. Quand tu te rappelles que tu as réussi à avoir le numéro de ton petit crush de la soirée, tu vois, tu sais. C'est vrai. T'es en soirée. Oui, en fait, il y a un peu de plaisir aussi des mecs qui rentrent de Tonight. Il n'y a pas que les mecs qui rentrent du boulot. Ça, à mon avis, c'est que t'es rentré bien éméché. Petit plaisir. Je te passe un plaisir pas, mais quand tu t'endors tout habillé. Non, ça c'est pas chouette. Pas le plaisir. Pas un plaisir du tout. Par contre, toi t'es bien éméché, que tu rentres et qu'il y a encore un restant dans le frigo, ça c'est tout bon. Ça. Ouais, ou que tu passes chez McDo sur le chemin du retour. Hein. Quatrième position pour ça. C'est vrai ? Ouais, j'aurais mis en top 1 moi d'ailleurs. Ouais. Quand t'es rentré à pied qu'il faisait froid et que tu glisses sous la couette bien au chaud. C'est vrai, pour tous ceux qui vont rentrer là à pied en hiver après une bonne journée de travail. Ah, c'est trop chouette. Oh, quand tu te mets au chaud, t'es au top. Avec un petit feu et des marshmallows. Numéro 2, quand t'as réussi à choper le dernier métro. C'est pas faux. Et alors, quand tu enlèves enfin tes chaussures à talons, on l'a dit. Ça, c'est le numéro 1, les filles. Et je rajouterai le soutif. Qui va arriver dans la prochaine heure. On a Bad Bunny avec Drake côté hit et les infos qui vont arriver un petit peu en retard. Désolé, ça arrive. On se calme. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi, tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué, on s'est. meilleur de peu, on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. Sur Énergie, bonjour. And you're listening to Énergie. On s'informe sur l'actu dans un petit instant, juste après la météo pour aujourd'hui. Un temps généralement sec avec des nuages, des éclaircies et des températures entre 1 et 6 degrés. 7h03, quasi, on s'informe. Oui, un peu là, bon, je ne me crie pas dessus. Voici l'actualité de ce mercredi 12 décembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le marché de Noël de Strasbourg restera fermé aujourd'hui. Hier soir, un homme a ouvert le feu sur les passants. On compte 3 morts, 12 blessés, 6 se trouvent dans un état grave. L'attaque est considérée comme terroriste. Le tireur, un homme de 29 ans, a été blessé par les militaires. Il est toujours en fuite. Il est fiché S. Ça veut dire qu'il est suivi par les services de renseignement depuis un moment. Suite à cette attaque, la France a relevé son niveau d'alerte. Il se trouve à son plus haut niveau. Les contrôles sont donc renforcés aux frontières et dans les lieux les plus sensibles, comme les marchés de Noël, par exemple. Dans le reste de l'actu, Charles Michel va poursuivre ses entretiens avec les chefs de groupe de la Chambre aujourd'hui. Il va retrouver le CIDH et Défi. Ces rencontres ont pour mission de faire le point sur la situation politique suite au départ de la NVA du gouvernement. Enfin, en sport, en football, on a commencé la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions hier. Le PSG, Liverpool et Tottenham se sont qualifiés pour les 8e de finale. L'Inter et Naples sont reversés en Europa League, tout comme le club de Bruges. Bruges qui a tenu tête à l'Atlético Madrid. Les deux équipes se sont quittées sur un nul blanc. Et puis ce soir, on poursuit la 6e journée. On a 8 matchs à suivre. Real Madrid, CSKA, Moscou. Manchester City, Hoffenheim, Valence, Manchester United ou encore Ajax, Amsterdam, Bayern Munich. Chez Colruyt, vous êtes certain de profiter des meilleurs prix, même quand d'autres magasins font des promos. Nos clients témoignent. Si les autres magasins font une promotion, alors Colruyt s'adapte assez rapidement. Ils contrôlent un petit peu tous les jours les prix de chaque magasin, les listes, et quand ils voient le moins cher, ils adaptent leur prix. J'ai vraiment bien comparé et j'étais très étonnée. Même sur les promos, ils veulent être les premiers, quoi. Ça m'économise du temps et de l'argent. Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. Chez Cora, action 2 plus 1 gratuite sur le délicieux Bordeaux Mouton Cadet 2016. Soit 6,13€ la bouteille. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, à déguster avec sagesse. Sur Énergie, bonjour! Bonjour! C'est mercredi 12 décembre, on a la Kids Line qui va arriver dans l'heure à 7h35. Restez branchés, si vous avez moins de 12 ans, vous allez pouvoir venir papoter avec nous ce matin. Et on va vous demander c'est quoi pour vous votre super Noël à vous, les enfants. Ce sera tout à l'heure dans la Kids Line, Klingon et Broken Back qui va arriver que dit. Et là voici Drake et Bad Bunny sur Énergie. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más, porque te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de viajar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Avec Drake, Mia sur Energy dans un petit instant, Klingande et Broken Back. Ils étaient venus nous faire un petit Energy After Work. Ouais. Vidéo à revoir évidemment, c'est sur energy.be. On a du Zara Larsson qui va arriver aussi. La Kids Line, je vous l'ai dit. J'ai un top 10 exceptionnel à vous filer dans un petit instant. On va parler des animaux ce matin, animaux de compagnie. Ça va être pour vous. Ah. Qui c'est qui a un toutou dans la famille ici? Aurélie. J'arrive aussi. Non. Ah oui, toutou de maman. Chez ma maman. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah alors moi, le chat de ma copine. Le chat de la. Ah oui. Voilà. Celui qui te réveille toute la nuit. Ouais. Et bah restez avec nous. On va parler animals dans un instant. Avant ça, nous allons faire un petit Google Fight spécial Noël. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit Google Fight. Trop bien, ouais, c'est vrai. Je vous rappelle, on va sur google.be et on tape deux phrases, deux recherches en fait, et on voit lequel a le plus de résultats. Vous allez tout de suite comprendre. On va jouer avec Sébastien ce matin. Oui, Sébastien qui travaille comme employé administratif. Il a trois enfants qui s'appellent Yanis, Tiriana et Eline. Il est fan d'arts martiaux. Il fait du taekwondo. Il donne d'ailleurs des cours de kickboxing aussi du côté de Châtelet. Et puis en ce moment, il regarde les séries de Walking Dead et Orange is the New Black. Ah, sympa ça. Ouais, sur Netflix. Kickboxing, c'est le genre de truc. M'en prends une, moi je m'enlève pas. C'est bon, t'as plus. Bonjour Sébastien. Bonjour. Kickboxing en plus, on peut mettre du on peut mettre les pieds, c'est ça hein. Ben ouais, c'est le principe du kick. On peut tout mettre. On peut tout mettre. Ben voilà. Donc je ne ferai jamais de kickboxing, je vous le dis. C'est complet, on va dire. De quoi? C'est complet. Ah ben oui, voilà. C'est un sport complet et évidemment, je ne mange pas complet, pas équilibré. Non. Pourquoi je ferai un sport complet. Nous allons faire un Google Fight avec toi, Sébastien. C'est un spécial Noël. Et donc, tu vas voir, on a tapé deux phrases sur Google. À toi de nous dire laquelle, à ton avis, a le plus de résultats, c'est-à-dire qui a le plus de pages. Vous pouvez vous amuser à faire ça aussi chez vous. Hein. Allez sur google.be, vous voyez qu'on vous tape un truc juste en dessous. Ouais. C'est écrit résultats, environ, tant de résultats. Okay. On y va, mon Sébastien. À ton avis, qu'est-ce qui a le plus de résultats sur google.be entre où acheter ses cadeaux de Noël ou alors où revendre ses cadeaux de Noël? Je dirais où revendre. Où revendre ses cadeaux de Noël? Et ouais, oh, quand même. Le monde n'est pas comme toi. Le monde est honnête. 169 000 résultats pour où acheter ses cadeaux de Noël et 55 400 pour revendre. Non, 55 millions. Oui, mais millions, pardon. Ouais, oui, tout en millions. En millions. Oui, j'ai pas l'habitude de voir autant de zéros, moi. Sébastien, donc c'était où acheter ses cadeaux de Noël. C'est vrai que c'est la galère. Là, on y est, c'est dans 15 jours maintenant. Je pense que je vais aller aujourd'hui ou demain, mais le week-end, en fait, c'est horrible. Hein. Donc, du coup, il y a tout le monde. J'en profite de finir entre guillemets tôt. T'as déjà tous tes cadeaux, toi, Sébastien? Non, rien, j'en connais rien du tout. Ouais, bah voilà, on est tous dans la même. On ira tous le 22 à 10h. Hein. C'est tellement ça en plus. Mais il faudrait qu'on fasse un sujet aussi dans l'émission cadeau de Noël, parce que je suis en manque d'idées pour pas mal de personnes dans ma famille. Moi, ce serait bien que les gens donnent des idées. Ouais, des petites idées. Allez, on y va, la deuxième proposition de ce Google Fight. À ton avis, qu'est-ce qui a le plus de résultats sur google.be? Mettre un faux sapin de Noël ou mettre un vrai sapin de Noël? Mettre un vrai sapin, bonne réponse, mais oui. Bravo. Et ouais, un vrai sapin, 58 200 000 et un faux sapin, 9 millions seulement. Ben ouais, ouais c'est... moi j'ai un faux sapin. Qui... un faux sapin c'est tellement gai de ramasser les épines tous les jours. Mais en fait, le seul truc du vrai sapin qui est bien, c'est que ça sent bon. Ça sent le sapin. Oui, c'est ça, oui. Après, honnêtement, hein, moi j'ai acheté un pchit odeur sapin. Tu mets ça sur ton faux sapin, on n'y voit que du feu. Mais généralement, quand ça sent le sapin, ça sent pas bon. Hein. Toi, on dit l'expression. Ah, l'expression, oui, ouais. Mais non, mais c'est... Oui, c'est... Ça sent le sapin. Ça sent le sapin, oui. Donc. Mais c'est vrai, voilà, il y a la team vrai sapin, la team faux sapin. Ouais. Après, rien ne vaut un vrai sapin, mais je rejoins Sébastien à ramasser les aiguilles tous les jours. Ouais, c'est un peu relou. Ouais, clairement. À ton avis, on finit avec ce troisième Google Fight. Qu'est-ce qui est le plus recherché sur google.be? Mère Noël sexy ou Père Noël sexy. Oh, ça c'est donné, ça. Les cadeaux. Ça dépend du pays, mais on va dire chez nous, Mère Noël, quand même. Hein. Ça dépend du pays. Chez nous, Mère Noël. Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. Mère Noël avec 2 570 000 résultats. Et Père Noël, 1 070 000 quand même. Ah, quand même, hein. Attends. Hey. Eh, on croirait. Je veux pas... Il faut pas croire. Je veux juste dire une chose. Qui a un jour l'idée de se dire, tiens, je vais me mettre en Père Noël et je vais être sexy? Pourquoi pas. Mère Noël, je comprends, mais Père Noël, fieu. Tu t'es déjà dit, tiens, je vais me faire pousser la barbe et je vais me mettre un petit caleçon rouge avec un pompon. Ouais, un petit string avec des boules de Noël, quoi. Oh là là. Mais tu veux faire un spectacle à ta femme, t'as pas beaucoup les moyens, tu lui fais un striptease. Ouais, elle va te déguiser en Père Noël. Ouais, c'est ça, elle va te regarder, elle va faire super. Ah. Allez, on mange quoi ce soir? Comment avancer la date du divorce à plus vite? Faites-lui un striptease. Eh ben, Sébastien, c'est gagné ce matin, bravo! Bravo! Cadeau pour toi, mon Seb. On te file soit la compline. Un string avec des boules de Noël. Ça pourrait être sympa. On te file le costume du Père Noël sexy. Mais on te laisse choisir. Compile énergie, enceinte Bluetooth ou 4 places de ciné. Je t'en repasse, Tiffany. Tu vois ça avec elle, Seb. Ça va? Super, merci beaucoup. Un grand merci à toi d'être passé ce matin. À bientôt, mon Sébastien. Merci, au revoir. Ciao, bisous. Ciao. Bonne journée à toi, mon pote. Et Klingon Broken Max, c'est ce qu'on écoute maintenant. To the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors, love is undercover. Shall we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the in the cover. Stuck in this bad place, just looking out the window. He turned a blind eye to see how far we can go. Tell me my love, so we'll forget what we know, forget how it was when we were young years ago. I will ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires, tell me should we go somewhere high together now, till the eastern colors, colors in the cover. Plus de cerveau, les gars. Je vous dis, j'en ai déjà pas beaucoup, mais alors. Hein. Oh, j'ai mis mon casque, je me suis fracturé le crâne avec. Et ça fait super mal, hein. Je vous jure, ça, c'est l'accident technique de notre métier. Il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est le seul truc où on peut se faire mal, c'est en mettant le casque. On a des barres en métal, il faut le savoir, autour du casque. Ouais. Et quand tu te prends ça dans la tronche, je peux te dire qu'à bah là, à 7h15, c'est bon, je suis réveillé, les gars. C'est un casque de musique, hein. C'est pas un casque de chantier, hein, oui. Pour ceux qui pensent que. Oui, c'est ça. Casque de moto, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Dans un tout petit instant, j'ai un top 10 exceptionnel pour vous. C'est le top 10 des chiens qui sont les plus stylés sur les réseaux. Il y a des chiens, des chiens plus stylés sur les réseaux sociaux. Des marques de chiens, enfin des races de chiens. Il aime bien dire marque. Mais ça va bien, il aime bien. Non mais c'est vrai, il y a des races de chiens qui sont plus stylées, qui sont, allez, je veux dire, plus postées sur les réseaux et qui sont mis beaucoup plus en avant. On va parler de ça dans un tout petit instant avec vous. Ce sera l'occasion aussi de nous envoyer une petite photo avec votre animal de compagnie. Oh, trop mignon. Oui, on veut les voir, on veut savoir leur petit nom. Ce matin, vous allez nous mettre ça sur le Facebook, les fifous du 6-9 sur Énergie. Zara Larsson qui arrive juste avant. Et puis 2000 euros de vacances aussi pour vous avant 9h. Je vous explique ça dans quelques minutes. Chaque matin, j'ouvrais ma boîte mail, je lançais les applications, je naviguais sur le net. Mais à la fin de la journée, j'étais complètement vidé. Alors on me rechargeait, j'ouvrais à nouveau fenêtre après fenêtre et ainsi de suite, jour après jour, jusqu'à ce que je m'éteigne définitivement. Rapportez aussi les batteries usagées de vos ordinateurs dans un de nos points de collecte. Bebat leur donnera une nouvelle vie. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Grâce au Samsung Galaxy S8 et ses appels illimités pour seulement 49 euros avec Koala Smartphone, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. Orange.

Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, that'll make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Bonne matinée avec nous sur Énergie, c'est mercredi 12 décembre, French Montana, c'est ce qu'on va écouter côté dans un petit instant. On a la Kids Line tout à l'heure à 7h35. Hein. Ouais, dans quelques minutes, on va parler de ce qui est pour vous le super Noël. Ça va être dans quelques instants sur Énergie, donc restez là. Avant ça, j'ai un petit top 10 sympa sur les chiens les plus stylés sur les réseaux. Parce que c'est vrai, il y a des races de chiens qui sont plus stylés que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a plus de publications sur les réseaux, plus de photos. Ils ont la cote, exactement. Ouais. À votre avis, quelle race de chien pourrait être dans ce top 10? Les Chihuahua. Le Chihuahua, ouais, en effet. Je suis sûr, il y a plein de meufs qui adorent mettre des photos de leur Chihuahua. Il y a un effet de mode avec ces petits chiens. Pardon, oui, je suis en train de déchirer. Dès que tu pars de Chihuahua, il va plus bien. Hein. Ça fait un peu sac à main aussi, Chihuahua, c'est pas mal. Ah, moi, je trouve ça horrible. Trouve ça moche. C'est, plus c'est petit, plus ça aboie et plus c'est hargneux. Calme-toi, Wendy, un Chihuahua. Alors, si tu veux garder ton CDI, je me détendrai sur les Chihuahuas. 27 millions de posts sur les réseaux pour les Chihuahuas. Non. Ouais, troisième position dans le top 10. Labrador. Labrador, ouais, il y est cinquième. Labrador, Retriever, 19 millions de postes. J'en ai un, moi. Oui, c'est un Golden ou... C'est le Labrador Retriever, donc c'est pas encore le Golden. C'est la race, en fait, Retriever. Voilà. Ah, d'accord. Retriever, c'est qui ramène, en fait. Et le Golden. Ah, moi, je croyais qu'il retrouvait ses jouets. Oh, ça faisait longtemps. Ouais. Ah, bah, c'est bonne. 5 euros dans la cagnotte. Un cocker. Ouais, un cocker. Les cockers comme Bill. C'est vraiment la marque Cocker, c'est comme ça? Oui. Non, il n'y est pas. Le bulldog. Oui, c'est hyper à la mode, le bulldog, là. Le bulldog français, c'est le numéro 1. Sans blague. Numéro 1 des chiens qui ont plus la cote hein, sur les réseaux, c'est le bulldog français. 39 millions de posts sur les réseaux. C'est incroyable. C'est trop mignon. Est-ce que c'est les plus beaux. Hein. Est-ce que c'est le chien que Lavinia qui travaille ici chez Energy qui a Georges. Georges qui est d'ailleurs dans les commentaires sur les fifous et du Sandrine système. Aussi, en a un. Sandrine, tout le monde en a un. Mais venez mettre votre bulldog dans nos commentaires. Là, les fifous du 6-9 sur Energy. Si vous avez un bulldog à la maison, venez nous le présenter. Vous mettez une petite photo avec le nom. Ça nous fera fort plaisir, vraiment. Deuxième, on a le Carlin. Qui est en fait le bulldog, mais en version miniature, quoi. Un peu comme son écrasé, il s'est pris le mur. Il allait courir, prendre la balle, il s'est pas arrêté. C'est celui qu'on voit dans. C'est affreux ce que tu dis. Men in Black, exactement. 29 millions de posts. Parce que j'ai l'image du Carlin qui court après la balle et qui se prend le mur. Et... Oh, ça fait un Carlin. C'est pris le Carlin. Voilà. Oh là là, il est riche, lui. Quoi? Elle était bonne! 5 euros dans la cagnotte. Le Yuski aussi, très beau chien, le Yuski. Ah ouais, terrible. J'ai les mêmes yeux que lui, moi d'ailleurs. Yeux verront. 17,5 millions de posts pour le Yuski. 7ème. Hein? Ils verront quoi? Oh là là, vous êtes fatigués ce matin. Hein. Allez, hop, 5 euros pour toi. Non, mais il faut qu'on arrête ça. Hein. Les petits loulous! Les loulous de Poméranie, vous voyez, c'est quoi les petits? Oui, tout touffu avec une queue trompette là. On dirait une pluche comme ça. Mais c'est le chien de Nawel Madani. Ouais, c'est super mignon comme chien. 15 millions de posts sur les réseaux pour le loulou. Très très beau. C'est quoi comme race? Le loulou de Poméranie. C'est quoi ce truc? Et il y a le Yorkshire aussi, on allait l'oublier, celui-là, 14 millions de posts, 10e position du classement. Ouais. Allez, venez mettre votre animal de compagnie sur les réseaux, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. On vous attend, on veut la photo. Tipsy. I had enough combo for 24. I picked you up. C'est mercredi, 7h28. Marshmello qui va arriver côté hit. Je vous explique comment repartir avec 2000 euros de vacances aussi ce matin. C'est le cadeau qu'on vous offre. Et la Kidsline qui arrive à 7h35. Vous avez moins de 12 ans ce matin. Et ben vous nous appelez, c'est le 0800 234 56. C'est un numéro gratuit. Tiffany vous attend, les fufous. Vous venez avec nous les enfants. On va parler de, pour vous, c'est quoi un super Noël? Genre le super Noël, le repas, la déco, bon les cadeaux évidemment, les invités, tout, vous nous dites tout, le super Noël pour vous. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je le. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai ton joué. Si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Des idées cadeaux pour chacun et tous les budgets, trouvez-les chez Crefel ou sur crefel.be/kdo. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Dans un petit instant sur Énergie, Marshmello qui va arriver. Il y a la Kidsline aussi à 7h35. Avant ça, voici l'actu et la météo. Aujourd'hui, le temps sera généralement sec. On aura des nuages, de belles éclaircies et des températures entre 1 et 6 degrés. À 7h31 pour nous informer sur l'actu de ce 12 décembre. C'est Aurélia donc entre vous. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Le marché de Noël de Strasbourg n'ouvrira pas aujourd'hui. Hier soir, un homme a ouvert le feu sur des passants. Une attaque qui a fait 3 morts, 12 blessés, 6 sont toujours dans un état grave. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Il faut dire que le tireur, âgé de 29 ans, est fiché S. Ça veut dire qu'il était surveillé par la sûreté de l'État. Il a réussi à prendre la fuite à bord d'un taxi qu'il a braqué. Il est toujours recherché. 350 policiers ont été mobilisés. Précisons que le tireur devait être arrêté hier matin dans une simple affaire de droit commun. Suite à cette attaque, la France a relevé son niveau d'alerte. Il se trouve à présent à un niveau maximal. Les contrôles sont donc renforcés aux frontières et dans les lieux plus sensibles comme les espaces publics. Et puis aujourd'hui, les drapeaux seront en berne. En France, un registre de condoléances sera ouvert à la mairie de Strasbourg. Dans le reste de l'actu, Charles Michel poursuit ses entretiens avec les chefs de groupe de la Chambre aujourd'hui. Il a prévu de retrouver le CDH et Défi, des rencontres qui ont pour but de faire le point sur la situation politique. Une situation qui est un peu tendue suite au départ de la NVA du gouvernement. Enfin, en sport, en football, on a débuté hier la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG, Liverpool et Tottenham se sont qualifiés pour les 8e de finale. L'Inter et Naples sont à présent reversés en Europa League, comme le club de Bruges, qui a tenu tête à l'Atlético Madrid hier soir, score 0-0. Et puis on a 8 matchs à suivre aujourd'hui, parmi eux Real Madrid, CSKA, Moscou, Manchester City, Hoffenheim. On a aussi Ajax, Amsterdam, Bayern Munich et Valence, Manchester United. L'info énergie. Tous les jours à 7h30, l'info énergie, évidemment, avec Aurélie. On parle de quoi ce matin ? On va parler de manger. Ça nous parle. Oui, et je vais vous donner de très bonnes raisons de passer du temps à table en famille. Parce que c'est prouvé, c'est une étude scientifique qui le prouve. Manger en famille, eh bien, ça entraîne de meilleures habitudes alimentaires. Ah bon ? Ah bon ? Oui, alors les ados en fait qui mangent avec leurs parents, leurs frères et sœurs ont de meilleures habitudes, comme par exemple ils mangent davantage de fruits et légumes et moins de produits gras ou des produits surgelés tout préparés déjà. Genre si on mange tout seul, quoi, c'est ça que tu veux dire, c'est à comparaison de si on mange tout seul. Ah oui, d'accord. Et autre chose, plus le repas est préparé à plusieurs, donc c'est en plus c'est super convivial, plus il a de chances d'être mangé et surtout apprécié. Ah. Bah oui, tu peux pas dire c'est pas bon. Oui, parce que t'as participé à la tâche. Parce que tu l'as fait aussi. Donc tu vois, t'as pas l'excuse. Si, moi je le dirais clairement. Si je rate quelque chose, c'est dégueulasse que je fais. Mais moi je trouve ça sympa. Faut essayer. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de familles qui passent du temps ensemble et à table notamment. Et là, je trouve que c'est une très très bonne excuse pour remanger en famille. Ouais. Voilà. En plus, Noël approche et tout. Vous avez une famille à prêter. Je suis preneur. Mais c'est nous ta famille. Mais oui, on est là. Je n'ai que ma belle famille. Je les aime beaucoup, mais je les vois trop souvent. Je plaisante, bon papa. 7h34, tu peux te réveiller en plus. Je déconne, c'était une boutade. Oh, je suis crevée ce matin. C'est pas la pêche, hein. Prends un café. Ah non, j'aime pas le café. Écoute le 6-9 sur Énergie, alors. Je vais peut-être prendre un café, finalement. C'est le 6-9. Toujours autant d'amour dans cette jingle. 7h35, bienvenue sur Énergie, bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien ce matin. On a mis des photos, c'est le bulldog français. On a fait un petit top là, les chiens les plus stylés. Bulldog français numéro 1, bah, je vous le confirme, on voit que ça sur notre Facebook. Ah, c'est incroyable. Ils sont où les Dachshund, ils sont où les Husky, ils sont où les Labrador, ils les sont Golden, où les Caniches. Les Caniches et tout ça, venez les fufous du 6-9 sur Énergie, sur notre Facebook. Morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have disco dans un instant. Continuez de poster les photos de vos animaux de compagnie. J'ai vu, il y a des perroquets, il y a des petits chats, il y a des chiens évidemment. Ouais, à la base on était parti sur les chiens. Mais ça peut être aussi ce que vous avez à la maison, avec grand plaisir. Mais oui, parce qu'on a mis animaux de compagnie. Mais du oui, coup, au ça, sens c'est large. Ouvert à tout le monde. Exactement, monsieur. Et c'est vrai, j'ai vu un petit perroquet passer. Oh, trop mignon. Ouais, il y a des beaux toutous. Hein. Faut être honnête, il y en a beaucoup qui ont des très beaux chiens. Il y en a qui me font rire, qui leur ont mis des lunettes de soleil aussi. C'est qui a fait ça? C'est Aurélie. Ah bah Aurélie, c'était ton. C'est toi. Ben oui, c'est moi. C'est ton labrador, Kira, tu as mis des lunettes de soleil, trop mignon. Kira, pardon. Parce que il y a Shakira et il y a le chien. Il y a Kira. Oh, il y a Pilou avec un bonnet de Noël. Oh, et c'est trop mimi. Eh, franchement, ça cartonne. Allez, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver sur le groupe Facebook. Et vous allez voir, il y a une publication là avec nous, avec une tête de chien. Et vous pouvez mettre en dessous, en commentaire, la photo de votre animal de compagnie. Et avec forcément le petit prénom qui va bien avec. Évidemment. 7h39, voici l'heure de la Kids Line. C'est comme ça, tous les mercredis, 7h35 aux alentours, la Kids Line, vous avez moins de 12 ans, vous pouvez nous appeler 0800-234-56, c'est un numéro gratuit, et ce matin, on va parler de votre super Noël. Oh ouais. Pour vous, c'est quoi le super Noël? On a Romano qui était avec nous ce matin, bonjour Romano. Bonjour. Bonjour, Romano, 9 ans, comment ça va ce matin Romano? Bien. Bien, ça, oui, bah voilà. On a déjeuné quoi? Des kélopes. Oh, c'est bon ça. Romano, sois le bienvenu. C'est quoi pour toi, mon Romano, un super Noël? Ça serait quoi le super Noël pour toi? Moi, comme déjeuner, je voudrais un Kinder. Lui, Noël rime avec Kinder. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, un Kinder en entrée, ok. Pourquoi pas. Ensuite. Après, je mange des bonnes tartines. Des tartines? Ouais. Pour souper. Ouais. Je voudrais bien un bœuf. Un bœuf, d'accord. Ça change de la. C'est ça. Un bon petit bœuf bourguignon, pourquoi pas? Eh bien, écoute, Romano, c'est noté. On a des commandes. Ouais, c'est ça. Et Romano m'avait dit qu'il voudrait quand même rester réveillé pour voir le Père Noël arriver. C'est vrai? Ouais. Tu veux faire ça, Romano? Oui. Mais tu sais qu'attention, hein, c'est très rare. Hein, les enfants qui ont réussi à l'apercevoir, on peut les compter sur les doigts d'une main dans le monde entier. Hein. Ouais. T'imagines? Parce qu'avant, ils les assomment comme ça. Non. Non, c'est pas vrai. Non, et si t'as cette chance-là, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai jamais vu. Mais à chaque fois, je vous jure, j'avais la chance qu'il oubliait son bonnet de Noël, moi, chez moi. C'est vrai? Ouais, il restait coincé dans la porte, je te jure. Et il faisait un bazar, il retournait tout le salon, il y avait des feuilles partout, les canapés retournés. Je disais, Père Noël, oh, il faut maigrir un peu maintenant. Ah ouais, non. T'es sûr, c'était pas des mecs qui venaient voler ce qu'il y avait dans le salon? Non, parce qu'il y avait des cadeaux après au pied du sapin, donc voilà. Eh bien, écoute, Romano, je te souhaite bonne chance pour le voir. On croise les doigts, mais tu verras, c'est pas une mince affaire cette histoire, je te le dis. On te souhaite de très bonnes fêtes, mon Romano, et puis si jamais on se rappelle pas, un joyeux Noël d'avance. Gros bisous à toi, Romano. Bonne fête à vous aussi. Merci. Merci mon Romano. À bientôt, bisous. Trop mignon. On a Mathis aussi qui est là avec nous ce matin. Bonjour Mathis. Mathias, tout comme oui, pardon. Tout court. Mathias, bonjour. Bonjour. Ça va bonjour. Bien Mathias? Oui. Oui. Mathias qui a 9 ans. Et ça serait quoi ton super Noël à toi Mathias? Qui neige. Oh, ouais, oh, ouais. Un Noël tout blanc, c'est trop bien. Oh, où ouais. Tu galères pour aller jusqu'à ta famille, aller manger, t'as ouais, du retard. Trop chouette et tout. Est-ce que mon Mathias, t'as un souvenir d'un Noël sous la neige? Tu t'en souviens d'un ou pas? Parce que ça fait longtemps. Hein. Oui, avec mon frère, une bataille de neige. Ah ouais, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de neige. Ça serait génial qu'il y en ait cette année. Si il neige avant le 21, ouais. Donc avant notre dernière émission, on fait une bataille de neige tous les trois, ouais. Enfin tous les cinq en fait. Moi j'ai toujours eu peur de me prendre des boules dans la figure. Ouais, mais t'inquiète, on va, tu vas, ta peur va passer, promis. Sorti du contexte. Ouais, allez, très bien, et ben Mathias, on verra, j'espère qu'il va neiger, ce serait très très chouette. Ouais, c'est chouette. Ah ouais, faire un petit bonhomme de neige et tout, j'adore. Ouais, c'est trop bien. Vraiment. J'aimerais bien aussi manger des couignols de mon tonton. Des couignols de tonton. Ouais, ah bah oui, évidemment. Il est boulanger? C'est trop bon. Oui. Ah, la chouette. Ça, c'est trop bon. Toi, tu vas bien manger à Noël. C'est ça. Merci d'être passé, Mathias. J'aimerais bien faire une dédicace. Ah, mais vas-y, Mathias, je t'en prie. À toute mon école des Ursulines de Mont, à la classe 4e C, à Mathias, à Alexandre Omar, à ma famille. Alors, à maman Constantine, à mon père Andréa, papa Nino, et à le copain de mon papa Saïd, Merci. On a entendu. Le message est passé. Attends, c'était le recto. Vas-y, fais le verso de la feuille maintenant. Merci, Mathieu. Des bisous, mon Mathieu. Belle journée à toi, mon pote. On finit avec Sacha, cette Kids Line, 9 ans. Bonjour, Sacha. Bonjour. Bonjour. Ça c'est va bien, mon Sacha. C'est que des mecs de 9 ans. Ouais, ouais. Oui. Bah voilà. Ils sont là, au taquet. Ça va, Sacha, ce matin? Oui. On a pris quoi, petit déj, Sacha? Des Kellogg's. Des Kellogg's aussi, bah, très bien. Chouette. Tu déséquilibrais, très bien. Sacha, qu'est-ce qui ferait de toi, enfin pour toi, un super Noël? Quand on mange des pâtes. Ouais. Des pâtes, ok. Le dessert, un gâteau au chocolat. Ah ben oui, évidemment. D'accord, je valide. Et après, c'est pour celui qui a encore faim, plein de Kinder. Ça, c'est pour moi. C'est fou comme le Kinder à la côte. Hein. Je tiens à dire. Pensez à Milka aussi, hein, n'hésitez pas. Ouais, pour Noël. Les pauvres. Eh ben, Sacha, pourquoi pas. Ça me paraît un bon repas, moi. Hein. Je veux bien venir à ta table à Noël, il n'y a pas de souci. Ah ben oui. Bon, des pâtes. Et des pâtes, ouais. Oh ouais, oh ouais, mais des pâtes à quoi? Des ouais, j'allais dire. Ah mais... Des pâtes au saumon. Ah oui. Oh, oh là là, tu me donnes faim à 7h44. On va avoir envie de manger des pâtes au saumon, tiens. Oh, des petites pâtes au saumon avec des petits oignons, avec la petite courgette et la petite crème qui va bien. C'est marrant, les enfants, au lieu de penser à la raclette, à la dinde farcie, ils pensent à des pâtes, à des tartines. Mais pourquoi pas? Frisco qui me dit dans l'oreille, pas de courgette, pas de courgette. Évidemment, la courgette. Bonne journée, mon Sacha, à bientôt. Vas-y, mon Sacha, fais-toi plaisir, mon poulet. On t'écoute. Je remercie ma marraine de me regarder maintenant. Ouais, de t'écouter, oui. Et voilà. Ah, ben voilà. Ah, elle, des bisous à marraine. Elle s'appelle comment, marraine? Jennifer. Et bon, on fait des bisous à Jennifer. Bisous à toi aussi, mon Sacha. À bientôt sur Énergie. Oui, à bientôt. Bisous, bisous, mon pote. Bisous. Et joyeuses fêtes à vous, les enfants. C'est une belle période, ça. Instant sur Énergie, c'est Soprano qu'on va écouter. Avant ça, je vous en ai promis que je vous allais vous en parler. Voici comment gagner 2000 euros de vacances, c'est pour vous. Oui, je sais pas pourquoi je mets une ambiance suspecte. C'est pour être sûr. On appelle déjà maintenant. Pourquoi pas? Non, je déconne. Vous inscrivez, vous envoyez vacances par SMS au 6018 pour vous inscrire. Vacances au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et on vous fait un petit virement de 2000 euros pour partir en vacances à la plage ou à la montagne. Vous partez avec qui vous voulez ou... vous le souhaitez. C'est bien de le préciser, plage ou montagne, parce qu'il y a Nathalie qui demandait sur le Facebook, est-ce qu'on peut partir à la plage avec des vagues, parce que mon chien aime bien sauter dans les vagues. Ben évidemment, oui. Évidemment, évidemment, la plage en Bretagne, par exemple.

Dans un petit instant, Soprano qui va arriver sur NRJ. Avance un petit point sur les routes, Aurélie, ce matin. Toujours cet accident sur le 411 à hauteur de Hinche en direction du Luxembourg. La bande de droite est bloquée. Comptez 34 minutes en plus à partir d'Abbey. Et puis sur le 40, il y a un véhicule en panne. Il se trouve à hauteur d'Herstal en direction de Liège. Et puis si vous circulez en direction de Bruxelles, il y a les traditionnels ralentissements sur le 40, le 411 et le ring intérieur et extérieur. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça s'attendre à merci, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis, avant d'être important sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Ma maman dit danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Qui va arriver dans un petit instant. Et puis cette semaine, on a de la chance. On va peut-être former un couple. J'espère. Oh ça ouais. Serait chouette. Une petite ambiance d'amour ce matin. Oh, j'aurais dû vous mettre le rêve bleu. Ce rêve bleu, je n'y crois pas. C'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. Il y a Thomas qui revient ce matin. Bonjour à toi, Thomas. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Thomas, ce matin? Ouais, je suis pas très chaud ce matin. Ça arrive, hein. Il y a des jours comme ça, hein, Aurélien. Enfin, enfermé dans ton mal-être. Nous avons ce matin pour toi Mélanie, qui va venir une de tes prétendantes. Mélanie, bonjour. Bonjour les fifous. Bonjour, bonjour. Très belle voix, Mélanie. Je n'y nouveau rêve en couleur. On vous souhaite beaucoup d'amour. Le mec s'est cru dans le duel. Eh non, c'est pas 100 euros, Thomas, désolé. Thomas, Mélanie, je vais vous mettre en route le petit chrono d'une minute. Et Thomas, tu vas pouvoir poser toutes les questions à Mélanie. Avant ça, présente-nous quand même ben Mélanie. Oui, je vais la présenter en 2-3 mots parce que j'ai pas envie de trop en dire. Mais voilà, Mélanie, elle a 29 ans et puis ben, elle bosse chez un notaire. Elle aime voyager, elle aime le cinéma, aller à la salle de sport et puis peindre. Et puis ben, elle aime lire et la musique. J'essaye de donner une petite okay. ambiance sexy, mais j'arrive pas, tu vois. Excuse-moi, je peux t'aider. Vas-y. Alors, Mélanie, elle a 29 ans. Mais on dirait une maraîchère. Mais oui. Mélanie. Je vais faire, mieux cuire. Machine à laver. Je prends tout. Oui, ça c'est mieux. Mélanie, bonjour. Bonjour. Bonjour. Je vais Je vais te laisser une minute, Thomas, et tu peux poser toutes les questions que tu as envie à Mélanie. Allez-y. Quand tu veux. Oui, Thomas. Bonjour, Thomas. Ah, je pose mal les questions, Thomas. Oh, Thomas peut poser les questions. Oui, comment commencer. Allez, vas-y. Alors, Mélanie, dans la vie, tu es plutôt active ou passive? Dans ce active. Entendu. Active. Ok, pas mal. Elle n'est pas là. Si, si. Ah, bah, attends, ah, oui, ah, oui, mince. Voilà. Ah, là, chaque fois, j'oublie. Voilà, elle est là, pardon, ça y est, vous êtes ensemble sur la même tranche. Voilà, elle a dit active. Active, elle a dit active. Active, oui. Ah, active. As-tu déjà donné un coup à un de, dans les testicules à un de tes ex? C'est pour lui ou l'autre raison? Pas encore. C'est ça cette question, Thomas. Je le comprends. Il prend ses précautions. Oui, je prends ses précautions. Il évite d'acheter la coquille. Oui. Peux-tu me citer les trois reliques de la mort? Non. Indispensable, il a dit. Qu'est-ce que c'est que cette question, Thomas? C'est important quand même. À mon avis, Thomas est fan d'Harry Potter. Mais tu peux lui apprendre. C'est ça. Tu peux prendre ta baguette magique et lui apprendre Harry Potter. Il y a pas de souci, hein, Thomas. Tout est possible. Allez. Ça, c'est pas bête. Une petite dernière. Et une petite dernière. À quoi penses-tu que je pense en ce moment? Je sais pas trop. Peu motivé. Pourtant, j'ai beaucoup de motivation quand même. J'ai pas compris. Je dis peu motivé peut-être ce matin, mais j'espère être le bon choix quand même vendredi. On verra bien. Ah, ils sont magiques. Bon, voilà, la minute est passée. Thomas, en effet, sera là vendredi. Vendredi, dans l'émission en public. Et vous allez peut-être pouvoir vous rencontrer. Thomas choisira vendredi avec qui il ira dîner. Voilà. Ce sera peut-être toi, Mélanie. Ça te ferait plaisir. Je te souhaite. Peut-être. Ah bah oui. T'aimerais bien, Mélanie. Hein. Elle a une très belle voix, hein, moi, je trouve. Très belle voix. Oui, très belle voix. Ça match bien, tous les deux. Eh ben, vous savez quoi? On vous met en antenne. Vous allez pouvoir papoter pendant quelques instants. Et puis, j'aime bien Tiffany. Et on verra qui choisira Thomas en fin de semaine. Merci, Mélanie, d'être venue. Merci à vous. Merci, Thomas. Bisous à vous deux. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear them on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we touch, boy, you make me feel weak. A woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all them on them, my trifle swipe me. Knotted that he could afford to ice me. Tell them that's a bad for me, bitch, in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, they're a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. Let's let a woman like me. Young money. Il est 8h, bienvenue. And you're listening to Énergie. Dans un petit instant, comme tous les jours à 8h05, c'est le duel Énergie qui va arriver. Un bon blind test pour se chauffer ce matin. Avant ça, voici la météo. Des nuages, des éclaircies, un temps généralement sec et des températures entre 1 degré sur les hauteurs et 6 degrés partout ailleurs. Elle vient nous informer sur l'actualité de ce mercredi 12 décembre. C'est Aurélie Adam de la rédac qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les écoles sont ouvertes mais les cours sont suspendus aujourd'hui à Strasbourg. Il s'agit d'une décision de la ville. Autre décision, la fermeture du marché de Noël et l'annulation des spectacles. Strasbourg veut permettre à la police de se concentrer sur la recherche du suspect de la fusillade survenue hier soir. Une attaque qui a fait 3 morts et 12 blessés. 6 sont toujours dans un état grave. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Le tireur est fiché S. Il était donc surveillé par la sûreté de l'État. Suite à cette attaque, la France a relevé son niveau d'alerte. Il se trouve à présent à son niveau maximal. Les contrôles sont donc renforcés aux frontières et dans les lieux les plus sensibles. Aujourd'hui, les drapeaux seront en berne. Un registre de condoléances sera par ailleurs ouvert à la mairie de Strasbourg. Dans le reste de l'actualité, Charles Michel enchaîne ses entretiens avec les chefs de groupe de la Chambre. Aujourd'hui, il doit retrouver le CDH et défie des rencontres qui ont pour mission de faire le point sur la situation politique après le départ de la NVA du gouvernement. Enfin, en sport, en football, on a débuté hier la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG, Liverpool et Tottenham sont qualifiés pour les 8e de finale. L'Inter et Naples sont reversés en Europa League, comme le club de Bruges, qui est parvenu à tenir tête à l'Atlético Madrid. Score final 0-0. Ce soir, on a 8 matchs à suivre, parmi eux Real Madrid, CSKA Moscou ou encore Ajax Amsterdam, Bayern Munich. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Surtout ceux qui sont de vrais mordus de pommes belges. Alors jusqu'à samedi, dans tous les magasins Carrefour, nos pommes belges Jonah Gold de filière qualité Carrefour sont à seulement 1,29€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Le Folder Gourmet de Cora. Découvrez des milliers d'idées délicieuses pour des fêtes délicieusement pas chères. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Sur Énergie, c'est mercredi, bonjour. Mercredi 12 décembre, waouh, ça avance vite les copains, dans 10 jours, ça y est, c'est déjà les vacances. Et qui plus est, 12 jours plus tard, c'est Noël. Oh, trop bien. Oh, là, là. Oh. On va vite y être. On va dans vite 12 jours, c'est Noël. Ben oui, c'est dans le réveillon. 12 jours, ben oui, dans 12 jours, c'est le réveillon. Ouais. 12 plus 12, 24, c'est très bien. Mais dis donc. Bac plus 4 en mathématiques, puisque. C'est bien, le Père Noël passera, t'as été sage. C'est bon en mathématiques. Dans un petit instant, c'est le duel énergie qui va arriver. Toute l'équipe est là, comme chaque matin. Aurélie de la Réda qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Il y a Jérém. Bonjour, Marco. Bonjour. Il y a mon Frisco. Bonjour, tout le monde. Bonjour, mon poulet. Bonjour, bonjour. Il y a Tiffany qui est au standard aussi. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Je vais prendre un menu max. Ah, pardon, non, c'est pas. Elle a son casque avec sa petite oreillette, là, genre comme si elle travaillait dans un drive. Bah oui, c'est le casque de standard. Voilà, exactement. Qui lui va à merveille. Dean Lewis qui arrive et le duel juste derrière. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Je suis fan de Dean Lewis, je vous le dis. Très beau chant. Ouais, 8h08 sur Energy LP qui arrive dans un instant et on va lancer ce duel à 8h08 et 8 secondes. Vous êtes prêts? 1, 2, 2, go! C'est beau ça. 08-08-08. Trop bien. Le duel Energy. Le duel Energy. On se fait des kiffs. Toi aussi, quand t'étais petit, quand t'étais 8h08, tu disais il y a aussi quelqu'un qui pense à toi dans la terre ou dans un truc ainsi, non? Même encore à 31 ans, je me le dis. D'ailleurs, je sais pas qui a pensé à moi ce matin à 8h08, mais voilà, bisous à toi. Bisous. Nous allons jouer au duel Energy comme chaque jour à 8h05 avec beaucoup d'argent en jeu. Il y a 500 euros à gagner potentiellement tous les jours et vous pouvez cumuler votre cagnotte. C'est le cas de Julia, par exemple. Qui a déjà gagné 700 euros dans sa cagnotte, Julia? Pas mal, hein, bien joué. Bonjour, c'est Julia. Bonjour. Salut tout le monde. Salut, Julia. Ça, elle est heureuse, Julia. Hein, 700 ouais. euros, ça. Ouais, ça, c'est clair. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, t'as déjà réfléchi un peu ce que tu vas faire avec? Oui, je vais d'acheter une maison, du coup, je vais m'acheter un sac. Un sac? C'est magique. Ah, bah là, ça va être un beau sac. Hein. Là, tu peux aller tout de suite dans une certaine rue à Bruxelles hein, que je vois, l'avenue Louise. Là, il y a pas mal de magasins. Tu peux faire ton shopping, il n'y a pas de souci. Julia, ce matin, je te souhaite de continuer avec nous en tant que maître du duel. Mais attention, il y a Harmonie qui va venir t'affronter. Harmonie qui travaille comme gestionnaire production dans les assurances. Elle a un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Tom. Et quand elle a un peu le temps, bah, elle profite avec sa famille pour aller faire des balades et puis aussi avec son fils. Elle aime aussi regarder l'émission TPMP avec son copain Damien et elle adore aussi le couscous. Alors Julia, fais gaffe à toi parce qu'elle t'assure de prendre sa place. Attends que tu prennes sa place. Et alors je tiens à vous dire Tiffany, dès demain quand tu vas nous présenter les candidats du duel, j'ai une musique pour toi. On t'a pas demandé de faire la fête foraine, hein. Oh là là là là. Harmonie, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Harmonie, Julia, les filles, vous allez vous affronter ce matin dans un duel spécial. Chorale. Oh, terrible. Ouf, alors, chorale. Oui, alors, attendez, je vous rassure, nous n'avons pas fait la chorale. Non. Parce qu'on a remarqué, que c'était une catastrophe, vous détestez ce moment. Si, je voudrais le refaire. Hein. Ouais, je suis d'accord, on va le refaire. C'est pas parce que vous n'aimez pas qu'on le fait plus. Exactement, pas de petit plaisir, hein, nous on aime bien, donc on le fait. Non, on a laissé faire les professionnels ce matin. Donc c'est une chorale professionnelle qui va vous chanter des chansons, des hits énergie, et à vous de retrouver l'artiste tout simplement. Ok? C'est nickel. Jusqu'à 500 euros à gagner, je vous le rappelle. 5 extraits musicaux, 5 secondes chacun. Et puis on rappelle cette règle, votre buzzer, c'est votre prénom. Oui, tout son cœur. Voici le premier extrait, les filles. Je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est parti. Julia. Ah là là là là, Harmonie, tu y es presque. Encore une ou deux secondes en plus et tu seras avant Julia. En attendant, c'est Julia qui a la main. On t'écoute, Julia. C'est les Daft Punk. Les Daft Punk, on réécoute. Perso, je trouve que la chorale n'est pas meilleure que nous. Hein. Quand même. Évidemment. C'est bien les Daft Punk, bonne réponse de Julia, 1 point et 100 euros potentiels dans la cagnotte de Julia. Je sais pas pourquoi Julia, j'ai mon nez qui sent et qui me dit que Julia va rejoindre le top 5 des top de Maître of the Met. Je sais pas pourquoi je le sens. Ah bah je le souhaite aussi. Bah je te le souhaite vraiment, mais elle m'a l'air très très balèze quand même Julia, ouais. Je tiens à le dire. Harmonie, rien n'est fini, loin de là, tout au contraire. On va essayer, Tu peux y aller Harmonie, il reste 4 extraits, voici le deuxième. Très connu celui-là en plus, oulala il fait l'actu en ce moment. Non, attends, t'es trop tard, il y a la clochette. Sacrilège. I'm Alors là, je dirais même plus. I'm shocked. Comment vous n'avez pas pu retrouver? C'est le film qui est à l'affiche au cinéma en ce moment. Trop tard, les filles. Il est pour les fifous celui-là ce matin. Je suis sûr que vous l'avez dans la voiture. Là. Écoutez, je vous le fais écouter. Vous envoyez duel plus la bonne réponse par SMS au 78. Vous l'avez évidemment. Oui, Jérém. Est-ce que si on donne le groupe ou le chanteur, on accepte la bonne les réponse? Les deux. Moi, je dirais le groupe, c'est le plus simple. Hein. Parce qu'on nous envoie... Ouais, Mercure. Fred, Fred Mercure, voilà, non, voilà. Mais non, chut, on veut le groupe, les l'un ou l'autre. Ouais, bah, bref, faites-vous plaisir. Duel plus la bonne réponse par SMS au 78. Comment on dit une reine en anglais? Voilà, débrouillez-vous. Vous envoyez ça au 78, duel plus la bonne réponse, 6-0-1-8, c'est 1€, le message envoyé est reçu. C'est bien, en période d'examen, on révise son anglais aussi. Comment on dit reine en anglais? Eh bien voilà, envoyez la réponse. Si tu réussis, tu réussiras ton cours d'anglais. Merci. Les filles, Harmony, Julia, c'est pas grave, pas de panique. Il reste encore 3 extraits. Et voici le 3e extrait. On cherche donc l'artiste. C'est parti. C'est beau en plus. Oui, ouais. Qui a trouvé dans l'équipe? Moi. Non. Frisco. Moi, je pense, mais je suis pas sûr. Jérém. Moi aussi. David Guetta. Mais non. David Guetta. Mais non. Non, c'est pas David Guetta. Tiffany. C'est pas Sia avec Chandelier. Mais non. Allez, c'est même pas ça. Moi, non, c'est pas Sia non plus. Frisco. Ah non, moi j'avais Sia. Refais-le. C'est vrai. Il l'avait pas. Excellent. Je vous le remets. C'est Rihanna avec Diamonds. En plus, franchement, on vous met des artistes faciles. On est gentils, hein, parce qu'on pourrait être un peu plus compliqué. Ouais. Mais on fait des choses simples, basiques, comme Roxane. Attention, Julia Harmony, voici le 4e extrait. Bonne chance à vous. Ouais, c'était sur le fil. Hein. Alors les filles, vous avez été synchro. Mais c'est Julia qui est en premier. Ouais. On parle de dixième de seconde, Harmony. Je te le dis sincèrement, vraiment, on parle même en nanosecondes, je pense. Non, j'en sais rien. Le mec, il perçoit les nanosecondes, ce gars. Il est incroyable. Non, mais c'était vraiment limite, mais c'est Julia. Julia, on t'écoute. Stromae. Eh oui, c'est notre Stromae. Eh oui. Mon polo, si tu nous entends ce matin, Stromae, je te jure, on a hâte que tu reviennes. Tu nous manques. Vraiment, ouais. Oui. Vraiment, reviens. Reviens, gamin, c'était pour rire, hein. Reviens. Non, mais vraiment, j'ai hâte qu'il revienne dans le game, notre Stromae. Ce serait trop bien. Je sais qu'il a plein de projets en ce moment, il est occupé, hein, c'est pas la question, mais on t'attend. C'est pas qu'il glande, hein, loin de là. On t'attend dans la musique, mon ami. C'est bien mignon, les bouts de tissu, on s'en fout. Non, on veut de la musique, mon pote. On s'en fout des chaussettes Noël. Harmony, Julia, il reste un extrait. Julia, 2 points. 200 euros, puisqu'elle va rester maître du duel. Harmony, tu peux sauver l'honneur ce matin. On va essayer. Allez, Harmony. Voici le dernier extrait. Je l'ai. Frisco. C'était trop tard. Ouais, Julia, je suis désolé, ma chérie, il y a eu la clochette et on... Non, voilà, 5 secondes, c'est 5 secondes. Frisco, bah oui, toi tu l'as forcément, t'es fan comme un dingue. Et vous savez quoi? Je vous laisse aussi pour vous les fifous parce qu'il est vraiment trouvable. Vous voyez qu'on est aussi bon que la chorale. Ils sont venus d'ailleurs en concert en Belgique l'année dernière, l'été dernier. Ah, mais c'était une tuerie. Ouais, c'est vrai que tu avais été. Ah, j'adorais. Si vous avez le nom du groupe, non, ce n'est pas les Maroon 5, ma chouchou. Non, c'est pas Maroon 5. Non, Tiffany, ce n'est pas les Maroon 5. Ce n'est pas YouTube non plus, non. Tiffany. Vous avez trouvé, vous envoyez duel plus la bonne réponse au 6018. On va donner les réponses dans un instant. Avant ça, je voudrais qu'on applaudisse Harmony qui est venue ce matin. Bravo, merci. Merci. Et parce qu'elle était à chaque fois à quelques trucs, hein. Mais oui, c'était tout proche, hein. Tout proche. Votre chorale et finalement on a eu une autre chorale, donc. Comme quoi. Merci d'être passé ce matin, Harmony. Tu reviens jouer quand tu veux. Pas de souci, je peux faire une petite dédicace. Mais bien sûr, Harmony. Ah ben alors, je fais un gros bisou à mon chouchou et mon petit chat qui m'écoute certainement, ma petite maman, ma biquette, ma petite sœur qui va avoir 18 ans demain et toutes les personnes qui pourraient me reconnaître. Et bon, on embrasse les biquettes et tout ça. Et toute la ferme d'Harmony. On t'embrasse, Harmony, à bientôt. Bisous, Harmony. Et puis, Julia, je tiens à ce qu'on l'applaudisse très très fort, puisque Julia reste notre maître du duel. Bravo, Julia, ce matin. Ouais. 2 bonnes réponses pour toi, 200 euros qui viennent s'ajouter à ta cagnotte qui est à 707, 8, 9. 900 euros pour Julia ce matin en 3 participations. Bravo. Bravo, Julia, bravo. Bravo. On se dit quoi? Bravo. Bravo. J'ai un truc à dire. Ah. Vas-y. J'ai une amie.

Pour Noël, je vous offrirai un cadeau très personnel. Donc, j'offre un album photo. Mais comment vraiment le personnaliser ? Eh bien, COE a été élu meilleur service photo du monde, justement pour ses superbes couvertures personnalisées avec finition en relief unique. En plus, un magnifique coffret cadeau est offert pendant les fêtes. Créez votre propre livre photo CV sur coe.be. Aldi et ce que certains en pensent. Il y en a qui pensent, les marques Aldi, non, ça peut pas être aussi bien que les marques connues. Eh bien, ils ont tort. Parce que chez Aldi, pour faire baisser les prix, nous faisons des économies sur les coûts, jamais sur la qualité. Des tests indépendants le prouvent. De nombreux produits Aldi font aussi bien que les grandes marques. La différence, c'est les prix. Certains sont quasiment moitié moins chers. Découvrez tous les résultats sur qualitéprouvée.be ou mieux encore, comparez-vous-même. Aldi, pour que chaque jour soit particulier. 24 sur Énergie, Major Lézard dans un petit instant avec Tov et Lou qui vont arriver à côté. Et on va jouer ensemble au mot gagnant. Et avant ça, Aurélie, un petit point sur les routes ce matin, ça donne quoi ? Ça donne un accident sur la 602 à hauteur de Hans en direction de Bruxelles. Attention, le passage est difficile. Plusieurs véhicules sont impliqués. La chaussée est très glissante. Hein. Soyez vraiment, vraiment prudents. Autre accident sur le 411 à hauteur de Hinche en direction du Luxembourg. La bande de droite est bloquée. Et il y a pas mal de ralentissements. Une heure en plus à partir d'Abbey. Et en direction de Bruxelles, il y a des ralentissements sur le 40. Vous perdez 23 minutes entre Berthem et Woluwe et Saint-Étienne. Sur le 40, comptez 31 minutes en plus entre Overijse et Oudorgem. Sur le ring extérieur, ça coince entre La Hulpe et Oullaert. Comptez 22 minutes supplémentaires. Et enfin, sur le ring intérieur, vous perdez 13 minutes entre Halle et Hunzingen. Ouais, courage à vous sur les routes. Dans un petit instant, on revient. Je vous explique comment gagner votre soirée du 31 janvier pour le nouvel an. On vous offre tout, la totale. Ouais, ça va être très sympa. Ah, je vais m'inscrire. Et puis, continuez aussi de poster des photos de vos animaux de compagnie sur notre groupe Facebook, les Fifous du 6-9. Le bulldog français est en tête. On ne voit que ça. J'aimerais voir des perroquets, moi, des perruches, des... enfin, ce que vous avez. Allez-y, les Fifous du 6-9 sur Énergie. Mix them up in that life potion. Close my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix them scars we share with white lies. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. No less smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken now, floating higher. This man is so good for me. No less smoke and let me love that fire. I don't need no memories. But it's broken now, floating higher. This man is so good for me. Décembre et pas le 31 janvier. Évidemment, Nouvel An, c'est le 31 décembre. J'ai rien de prévu. Oui, non, rien de prévu. Rien. Moi, j'ai déjà un truc. C'est vrai, ouais. Et ben pour ceux qui ont rien, j'ai ce qu'il vous faut. Énergie. Énergie et David Guetta vous offrent votre soirée du 31 décembre grâce à la phrase Énergie. La phrase Énergie qui fait son retour cette semaine pour vous offrir le nouvel an, une belle soirée puisque vous allez avoir la totale. Le son, DJ, hôtesse, lumière, la déco, on s'occupe de tout. David Guetta vous régale et vous offre ça. C'est à l'occasion de la sortie du nouveau hit et du clip de David Guetta. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, la pépite avec Bébé Rexha, le Say My Name. Ah oui, j'adore. Vraiment, je suis très très fan. Et vous pouvez gagner votre nouvel an grâce à David Guetta qui était venu nous voir. D'ailleurs, très sympa le mec, adorable. Vraiment, on a passé un bon moment avec lui. Il est trop chouette. Hein. Vous voulez gagner ça, il faut retenir cette phrase Énergie. On ouvre les guillemets. Toutes mes stars musicales préférées sont dans ma playlist Énergie. Voilà, vous la notez quelque part sur un post-it ou sur votre front. Et on vous appelle en pleine journée, vous répétez la phrase, vous gagnez le nouvel an pour vous, la totale. T'imagines quelqu'un pendant la journée l'appelle pour dire quelle est la phrase Énergie ? Merde, j'ai pas de miroir ! Vous la notez, on vous rappelle tout à l'heure et inscrivez-vous énergie.be et l'application Énergie Belgique. In the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. À la recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Crefel ou en quelques clics sur crefel.be/kdo. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Calvin Harris dans un instant. Ça va arriver sur Énergie, 8h30. On va s'informer. L'actu, la météo avant. Un temps généralement sec avec des nuages, des éclaircies, des températures entre 1 degré en Haute-Fagne et 6 degrés partout ailleurs. Calvin Harris et Sam Smith, côté hit, dans un instant, le mot gagnant à suivre. Et là, voici l'actualité de ce 12 décembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Une journée de deuil a été décrétée à Strasbourg. Aujourd'hui, les drapeaux seront en berne et un registre de condoléances a été ouvert à la mairie. Tous les spectacles sont annulés et le marché de Noël restera fermé. De leur côté, les écoles sont ouvertes, mais les cours sont suspendus. Hier soir, vers 20h, un homme a ouvert le feu sur le marché de Noël. Le dernier bilan fait état de 3 morts et de 13 blessés. 8 se trouvent dans un état grave. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Le tireur, âgé de 29 ans, est toujours en fuite. Plus de 350 policiers sont à sa recherche. Le suspect était connu de la justice, il était fiché S, ça veut dire qu'il était surveillé par les services de renseignement. Hier matin, il aurait dû être arrêté dans une affaire de droit commun. Sachez enfin que la France a relevé son niveau d'alerte. Il se trouve à son plus haut niveau. Les contrôles sont donc renforcés aux frontières et dans les lieux les plus sensibles, comme les marchés de Noël par exemple. Dans le reste de l'actualité, chez nous, Charles Michel va poursuivre ses entretiens avec les chefs de groupe de la Chambre aujourd'hui. Il va retrouver le CDH et Défi. Ces rencontres ont pour but de faire le point sur la situation quelque peu tendue au niveau politique. situation tendue suite au départ de la NVA du gouvernement. Enfin, en sport, en football, on a débuté hier soir la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le PSG, Liverpool et Tottenham sont tous les trois qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Inter et Naples sont reversés en Europa League. Même chose pour le club de Bruges, on le savait déjà. Le club de Bruges qui est parvenu à tenir tête à l'Atlético Madrid hier, score 0-0. Et puis ce soir, on a 8 matchs à suivre parmi Real Madrid, CSKA, Moscou, Manchester City, Hoffenheim, Ajax, Amsterdam, Bayern, Munich ou encore Valence, Manchester United. Le 6-9 sur Énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Il est 8h33 sur Énergie. On est là comme chaque matin pour démarrer la journée avec vous. Vous accompagner au boulot, à l'école. Comment ça va ce matin les fifous? Ça va. On est bien, on est en pleine forme, on vous accompagne, on joue au mot gagnant dans un petit instant. 20 secondes, paf, des mots, l'autre qui en donne un, moi en commun et mot gagnant, ça fait des chocs à pic. Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 8h35, 36 sur Énergie. Dans un petit instant, le duo de choc, vraiment, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Louane, Julien Doré. Ils feraient même un beau petit couple. C'est vrai. Franchement, ils sont très mignons tous les deux. On va écouter ça dans quelques minutes. Midi sur novembre, c'est ce qui va arriver. Avant ça, on a Lorraine qui est là avec nous ce matin. Oui, Lorraine qui est étudiante pour devenir infirmière. Elle aime beaucoup faire de la photo argentique sur pellicule. Et puis en ce moment, elle regarde la série Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, infirmière, hein, voilà. Et puis elle adore le risotto aux champignons. Et en ce moment, elle écoute Angèle. Angèle, ah j'aime bien Angèle. Chouette. Ah, j'aime beaucoup. C'est quoi cette photo argentique? Bonjour Lorraine d'abord quand même. Bonjour. Lorraine. C'est quoi cette histoire de photo argentique? Je suis curieux. Vous voyez la photo, les premiers appareils qui étaient développés en chambre noire. Donc je fais de la photo argentique. Ah c'est ça en fait, des photos, ok. Oui, c'est des photos en chambre noire, c'est sur pellicule. Ok, pardon, mais je vous assure, je ne savais pas, j'ai appris un truc. Pensais. Pardon, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ah excellent, donc vraiment les photos à l'ancienne quoi. Ouais. J'adore, j'aime bien ça, tu sais que tu trempes dans le liquide et tout, ça fait très inspecteur comme ça. Ouais c'est ça. C'est FBI quoi. T'as l'impression que tu as... film. Ouais, tu es psychopathe en fait. Hein. Un peu Freddy Krueger, c'est ça. Ouais. Lorraine, sois la bienvenue ce matin dans le 6-9. Nous allons jouer à un jeu sympa qui s'appelle le mot gagnant. C'est très simple, je vais te donner un petit chrono de 20 secondes. Je vais te donner une lettre Il va falloir, avec cette lettre, que tu me donnes tous les mots qui te passent par la tête, qui démarrent par cette lettre. Quelqu'un de l'équipe va sortir du studio pendant ce temps-là, reviendra après, fera la même chose que toi. Et si jamais vous avez chacun donné le même mot, donc un mot en commun, eh ben c'est le mot gagnant. Incroyable. On s'est foulé pour trouver le nom. Après, je me suis entraîné, j'espère que ça va aller. Ah, j'espère que tu vas pas faire ta quiche, hein, Lorraine. Elle va pas faire ta quiche, Lorraine. Elle était drôle. Moi, j'aime bien. C'est Lorraine qui va décider. Lorraine, cagnotte ou pas cagnotte pour Jérém? Pas cagnotte. Ah, c'est sympa de la part de Lorraine. Elle valide la vanne quiche Lorraine. Alors, très bien, pas cagnotte. Lorraine, tu as envie de jouer avec qui ce matin de l'équipe? Il y a Tiffany, il y a Aurélie, il y a Jérém ou Frisco? Bon, allez, Jérém pour sa blague pourrie. Elle me taille quand même. Jérém, tu peux quitter le studio, mon poulet, et tu vas pouvoir y aller avec nous, Lorraine. 20 secondes. Mon Frisco, t'es prêt à noter? Ouais. C'est parce que j'avais des vannes qui venaient dans ma tête, mais je veux pas me mettre dans la cagnotte. Du coup, je préfère noter. 20 secondes, Lorraine, et nous allons faire la lettre D. D comme ce beau mois que nous avons, ce mois de Noël, qui est le mois de décembre. Moi, je pensais que tu disais D comme le cochon Dédé. Dédé. Qu'il est bête. Lorraine, la lettre D, 20 secondes, c'est parti. Ok, alors, dentifrice, douche, diabétique, doudou, dimanche, décembre, dent, Putain, ça me saoule, pardon. Je mets moi-même 5 mots. Mais ça me saoule, sans déconner, on n'entend jamais rien à la fin. Il nous a manqué les 4 derniers mots, Lorraine. Il y avait dîner, c'est ça? Moi j'ai entendu dîner, dans. Ça on l'a, ouais. Et puis je sais plus. J'ai dit déchets, je sais plus. Ouais, on le met, cadeau. Honnêtement, il y en a assez, je pense que franchement, ouais. Il devrait au moins en avoir un dans tout ça. Si jamais, eh ben, on te passera la technique, c'est eux qui te paieront le cadeau. Jérém, on a exactement 46 mots. Donc. Oh, tu dois arrêter. Je pensais que t'allais dire tu es juste. 20 secondes, mon Jérém, avec la lettre X. Ça y est, elle veut faire la même. Sauf que venant de sa part, c'est pas drôle. Elle veut se venger, Tiffany. La lettre D, Jérém. C'est parti. D comme Dédé, d'office. Non. Diamant, dinosaure, domino, doudou. Bravo! Ouais, c'est bon? Ah, on a les shows. Doudou, c'est Doudou qui a fait le mot gagnant. C'est Doudou. Eh ben, c'est gagné, Lorraine, bravo. Bravo. Eh oui, cadeau pour toi, on te l'a choisi entre 4 places de ciné, une compile énergie ou alors notre enceinte Bluetooth. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je pense que je vais balancer pour l'enceinte Bluetooth. Ouais, t'as bien raison. Allez, chouette, en plus, elle est waterproof, donc tu peux la mettre sous la douche et nous écouter. Tu peux même répondre au téléphone. C'est génial, hein. T'imagines, t'es où? Sous la douche. Je vais partir en stage, du coup, je suis bien. Ah, bah c'est chouette, tu vas en stage où? En observation juste derrière chez moi, c'est pour ça que j'avais le temps pour que vous m'appuyiez. Ah, ok, d'accord, cool. Eh bah écoute, c'est chouette. Hein. Observe bien. On te souhaite une belle journée, Lorraine, à bientôt. Merci à vous aussi. Bisous Lorraine, salut. Bisous. Voici Louane et Julien Doré sur Énergie. Et on revient dans un petit instant. 2000 euros de vacances, je vous réexplique si vous n'avez pas encore entendu. Et puis on va aussi aller sur les réseaux sociaux juste après. Ouais, allez, faire un petit tour. Venez nous rejoindre d'ailleurs, les fifous du 6-9 sur Énergie. On va donner votre prénom, on va balancer toutes vos infos. Non, mais on va donner les prénoms de ceux qui nous rejoignent. Donc venez, les fifous du 6-9 sur Énergie. On vous attend. Il est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess.

obsessed stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust. Unless I stuck by you. You're a sunflower. You're a sunflower. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Je me suis fait un kiff. Les gars, j'ai gardé le casque pendant toute la musique. Ah, c'est chouette, hein. C'est chouette. En plus, il est sympa ce morceau avec ouais, Post Malone. Vraiment beaucoup. Clean Bandit qui va arriver dans un petit instant, 8h53, avant de vous offrir les 2000 euros de vacances, puisque ça va tomber là à 9h. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, il reste quelques minutes. Vacances au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. On va vous appeler, on va se faire Hakuna Matata évidemment pour se quitter. Oh, ça devient une tradition. Ouais, ben bah oui. Si, il y a pas d'Alan. Oula. Quand tu commences à parler de Tchécoslovaque, c'est que t'es fatigué. Hein. Oh, il est temps de revenir avec Radio World, ça, je le sens. Ah, mais voilà. Non, je voulais rien dire de spécial en plus. C'est très bien. Je pense pas. Bosniaque. On va écouter Clean Bandit. Avant ça, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, vous êtes nombreux et nombreuses à nous retrouver sur Facebook ou Instagram. Pour nous retrouver sur les réseaux, c'est simple, vous tapez les fifous du 6-9 sur Énergie. Il n'y a que nous qui avons pu se donner un nom pareil. Oui, clairement. Il n'est pas incroyable. Il n'est pas foufou, mais il est bien. Mais il est fifou. Non, franchement, fifou, moi, je trouve que j'aime bien. Ouais. Franchement, j'adore. Je trouve sympa. T'es un fifou, quoi. Quand tu traverses le passage clouté alors que c'est rouge, t'es un fifou. T'es surtout bête parce que tu vas te faire écraser. Mais voilà. On va faire un petit tour sur Instagram, Facebook. Les derniers qui viennent de nous rejoindre, les derniers fifous. Venez, c'est donc les fifous du 6-9 sur Énergie. Exactement. Mon Frisco, Facebook, ouais. Qui vient d'arriver? Facebook. Il y a Romain, Sandrine, Pauline, Maxime, Sam, Lydia, Isabelle, Céline, Gauthier, Mélissa, parce qu'elle met beaucoup de « oh » à la fin. Il y a Pierre-Alexandre, Cathy, Déborah, Camille, Émilie, il y a Priscilla, je vois, il y a Marvin, Christelle, Corentin, Anthony, Morgane, il y a plein de gens. Allez, bah, bisous à vous. Il y a Nathalie qui a une superbe robe de mariée. Oh ouais. Pas mal, hein. Elle vient de se marier, à mon avis, elle. Ouais, c'est super. Une photo du 17 novembre. Oh bah c'est beau. Mais félicitations. Va stalker les trucs, toi. Moi, j'aime bien aller voir les profils. Instagram aussi, les fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver. Attention, mon Jérém, t'as de la concurrence. On a un Jérémy qui est arrivé, plutôt beau gosse avec son short rouge. Ouais, t'as vu. Et à mon avis, il a gagné 2000 euros de vacances parce qu'il il est dans l'eau turquoise. Là. Oh, l'eau, elle est beautiful. Et on dirait alerte à Malibu, le gars. Ouais. Il est bien basé. Hein. Il est plutôt pas mal. Il y a Emeline qui vient de nous rejoindre sur Instagram. Jolie, Emeline. Myriam Blonda. Ouh, t'as vu Lina, là, Lily? Non, pas encore, attends. Oh, coucou Lily. Oh, hey. Bonjour Lily. Hey. Lily. Stevel 18. Ouais. Alors, on a un chat qui nous a rejoint, je sais pas comment il a fait, mais son profil c'est Oscar, il a que des photos de lui, que des photos de chat quoi. C'est un profil de chat vraiment. Oui, je te jure, ouais. Et il y a des gens qui s'amusent, hein, Oui, il faut les profils pour leurs animaux quoi, c'est génial. Merepi, il y a Joachim, il y a CMKWOW. KWOW. Ouais. Très joli, c'est Lord CMKWOW. Mimi. Très Mimi. Il y a Bruno, il ressemble à Rocky, il est fan de boxe et tout. Et Justine. De Liège, 23 ans là. Oh. Ah oui, oula. Ah non, pardon, t'es casé. Pardon. Non, mais j'ai rien dit. Big up à Vincent aussi, le BG avec ses lunettes de soleil, il fait beau gosse. Bisous à toi, Vincent. Laura, Marie, à Jenna. Jenna aussi qui vient d'arriver sur Instagram. Enfin voilà, les fifous. Vous savez où nous retrouver. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Pour nous retrouver sur Instagram et Facebook. Et je tiens à vous dire, on est à 9263 sur Instagram. Ouais. J'aimerais qu'on arrive à 10 000 avant de partir en vacances. Dans une semaine alors. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait si on arrive à 10 000? Eh ben, un truc de dingue. J'ai envie qu'on fasse un truc avec vous tous. Et il reste plus... Enfin, oui, si. Oui, madame, on vous écoute. Non, j'allais dire, il reste plus beaucoup. C'est bien, t'es forte en maths. Non, il reste moins de 1000 personnes à avoir, donc c'est jouable. Et on fera un truc de dingue. Genre, je sais pas moi, un gros repas ou une belle grosse soirée. Un truc avec vous. Une activité. Ouais, une activité avec vous. C'est chouette, c'est une activité. On va réfléchir à quoi, mais on va le faire, vraiment. Et puis, je finis avec Brandrix qui vient de faire un salut à l'équipe. Eh ben, bisous à toi, Brandrix. Voilà, je l'ai dit à l'antenne. Bisous. Bisous à tout le monde. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, puisque ça continue toute la journée. Hein. On met des stories, on met des photos, enfin, on se marre bien. Et comme ça, on partage tout le matin les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Hakuna Matata dans un instant, tradition oblige. Et les 2000 euros de vacances, ben oui, on va appeler le gagnant ou la gagnante. C'est juste après Clean Bandit sur Énergie. Bienvenue. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish. Une très belle journée comme chaque jour en partant à 9h. Et oui, évidemment. Je suis juste inquiet, les copains, parce qu'il est 9h, on n'a toujours pas notre beau gosse. Tanguy. Bah, à mon avis, il est. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais aller voir, je vais aller voir. Le beau gosse est-il parti faire popo ? Oh, peut-être. Bah, tu sais, les beaux gosses, ils font popo aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Imaginez Tanguy sur le pot. Oh. Le pauvre Lucas si mal en 2 secondes. Non, mais je l'ai vu passer et oui, à mon avis, il popo. Bref, on va, avant de se quitter et d'avoir Tanguy avec nous, 2000 euros de vacances. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Dans un petit instant, Tanguy qui va arriver avec vous pour la playlist partagée sur Énergie. Avant ça, 2000 euros de vacances pour vous ce matin. Ma chère Tiffany. On appelle. Tu as le doigté sur la touche. Bim, ça y est. Scrouche le bouton. Le numéro de téléphone est composé. Allez, c'est parti. On appelle chez vous. 2000 euros de vacances, beau cadeau quand même. Purée. Oui, allô. Allô, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Angélique. Angélique. Tu nous viens d'où, Angélique ? On avait dit pas d'Angélique. De Turpange. Ah, Turpange. Ouais. Ah ouais, mais on a déjà fait le quota pour Turpange. Et elle est Angélique aussi. Elle est Angélique aussi, ouais. C'est vrai. On avait parce que t'imagines, c'est tout. Plus mais c'est tout Turpange. Imagine tout Turpange part avec 2000 euros de vacances, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus personne à Turpange. Et si tu penches et que tu Turpanges après, ça. Non. 5 euros. Et 2000 euros de vacances pour toi ce matin. C'est génial. C'est super. Bravo à toi, c'est gagné. Eh ben oui, c'est du beau cadeau pour toi. 2000 euros de vacances. C'est génial. Tu vas partir où, la plage ou la montagne ? Oh, je ne sais pas encore, je vais en discuter avec mes enfants et mon mari. Ouais. Mais je suis trop contente de m'accoler, elle n'écoute pas à côté de moi. Excellent. Eh ben, oui, mais il faut lui dire, c'est pas elle qui part en vacances, c'est toi. Si j'ai une petite place, je la prendrai avec. Bah, pourquoi pas 2000 euros. Calcule ton budget, hein, tu peux te faire un city trip et puis tu la prends avec toi. Alors, une en plus, c'est pas si grave. Écoute, voilà. Eh ben, en tout cas, passe de bonnes vacances. Nous... Oh, merci, en tout cas, bonne fête à vous. Bah, merci. C'est une radio géniale. Oh, bah, c'est gentil, ça. Ça fait merci beaucoup. Merci de nous écouter tous les jours. Et puis, bah, voilà, de bonnes fêtes aussi à toi et de bonnes vacances. Profite bien, n'oublie pas la carte postale pour nous. Comment ? Comment, oui, je n'y manquerai pas. Ah, on y tient, Angélique. On te souhaite une très belle journée. À très bientôt, Angélique. Bisous. Merci beaucoup, en tout cas. Bisous. À bientôt. Bisous, Angélique. Demain, dès 6h sur Énergie, comme chaque jour, 6h, 9h, c'est le rendez-vous ici. Hein. Parlez-en à vos collègues, il est le temps d'en parler maintenant. Parlez-en à l'école, dites-leur qu'il y a un chouette rendez-vous tous les matins et que c'est sur Énergie que ça se passe avec les fifous. C'est le 6-9, Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci sur Énergie. Excellente journée, Hakuna Matata. Ça c'est vraiment, je vous jure, au moindre souci, même votre boss, hein, s'il vient vous embêter aujourd'hui, vous le regardez, fait, Hakuna Matata, mon grand, ok. D'ailleurs, je vais dire ça à Nico, on sait jamais ce qu'il doit me dire, mais je lui dirai directement. On vous souhaite une excellente journée, les fifous. Bisous, ma Tiffany. Bisous tout le monde, bonne journée. Bonne journée, bisous, Aurélie. Bisous. Bisous, Jérém. Gros bisous. Et à demain, mon pote au Frisco. À demain, mon pote. On vous embrasse, les fifous. Belle journée. Et puis, vous le savez, on est là demain jeudi. Oui. À demain! À demain! Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Les cadeaux de Noël, c'est chez Dee. Maquillage, parfum, soins. Et jusqu'au 17 décembre, le deuxième coffret maquillage est à moins 50%. Aussi sur Dee.be. Dee, faites-vous plaisir. Ah, bravo. And you're listening to Énergie. Bravo, monsieur. Je suis là. Soyez les bienvenus sur Énergie. Jusque midi, c'est Tanguy. Et on poursuit avec la playlist partagée. Et ce matin, c'est Raphaël de Couillet qui a été sélectionné. Il a laissé un message pour ma maman adorée et les animateurs Énergie. Oh, c'est super mignon, quoi. Merci, Raph. Raph qui a choisi Jennifer Lopez avec Ain't Your Mama qu'on écoute tout de suite. Et Jennifer, la française, sur le fil juste après. On aura aussi Moziman ou encore Aya Nakamura. Vous pouvez faire comme Raph, hein, faire votre playlist partagée. Vous foncez maintenant sur Énergie.be. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. Gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. Crazy in love. Can we go back to how it was?